Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous-en, les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Pour une quatrième année consécutive, 70% sera à CFME pour le FME. Écoutez-nous de 20h à 21h chaque soir du FME 2017. Peace out! Let's go, Georges! Mathieu Luna, mesdames, messieurs, à la guitare. Bonsoir, en manchette ce soir. Cette éclipse, ce train et ce pistolet sont-ils dangereux? Et les détenteurs de la science ce soir, vos chroniqueurs, Emmanuel Côté-Séguin, la reine, Tommy Colin-Vallée, Kevin et Simon Cussonnet, ainsi que notre invité, le nouveau rappeur, en direct du brouhaha à Montréal. J'espère que t'as mangé ta viande pis tes légumes parce que c'est 70%. Joe Pirat, pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner, faites attention dans les escaliers. C'est un chihuahua qui construit une porche, un gouvernement qui contrôle ma poche. Un robot du futur qui veut du beurre de peanut. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu as tout pour plaire à ceux que tu connais pas, pote. T'as pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie c'est un truc ou deux. Je vois dans tes yeux que tu trouves ça douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés 13 ans, les hélicos explosent tout le temps? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y a des enfants des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Ah, vraiment, quelle introduction extraordinaire. Il n'y a rien qui est mal allé. Même William est confortable. I am, he is. Tout d'abord, on va remercier l'excellente équipe technique composée d'Alexandre Larocque, Olivier Sirois et Mathieu Potvin. C'est des applaudissements faciles en début de show, mais ô combien mérités, mesdames, messieurs. Bienvenue à 70%. Il est arrivé des grosses affaires depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Hein? Ah non, c'était la semaine d'avant. Il y a eu la réunion de la meute. Oui, il y a eu ça. Ouais. Je trouve ça vraiment drôle. T'es un mouvement politique. Fait que là, tu veux être pris au sérieux. Fait que là, tu t'appelles comme plein de chiens qui jappent. C'est parce que, je pense qu'on en avait assez parlé. On avait-tu assez parlé? On avait quand même pas mal. Ben écoute, je sais pas si on peut en avoir assez parlé. Hey, ça va revenir, hein? On en parle beaucoup avec John FK et MP Lally, les graphistes de douteux, des bénévoles plus périphériques. Et il y en a un, il habite à Québec, sur le bord d'une réserve amérindienne. Et il est comme à l'event horizon de la folie sociale. Puis il nous raconte des affaires qu'il a entendues et vues. Et tu sais, il me semble être raciste, là. Tu sais, à quel âge que t'apprends que c'est pas correct? Tu sais, il me semble que t'apprends ça jeune, tu sais. Tu sais, là, il y a une affaire qui s'appelle José Rivard qui fait des clips et qui se plaint que elle a des followers puis tout le monde veut connaître l'opinion de José Rivard. Mais là, elle a eu un message de Dieu qui a dit de mettre un brassard pour manifester contre la quantité incroyable d'immigrants illégaux qui viennent polluer nos vies au Canada. C'est incroyable, on va se le dire, il y a des combats à vivre et des énergies à mettre là-dessus. En tout cas, c'est vraiment, je pensais, on entend de plus en plus parler aussi, et puis moi j'ai une position, je suis très très boqué. Tu penses-tu que t'es du bon bord de l'histoire avec ta position? Vas-y donc, Tommy. Je suis... En fait, je pense que si je suis pas du bon bord de l'histoire, il n'y a pas d'histoire à long terme. Ok, bon. C'est bon. Je m'avancerai comme ça dans ce dossier-là. On peut ouvrir une discussion sur les elfes, là, t'sais, ça sera peut-être pas la même chose. Parce qu'effectivement, je suis très, très raciste. C'est vrai. J'haïs les elfes en tabarnak. C'est dans... Écoute, j'ai jamais choisi. C'est... Parce que ça a des bonus pour l'épée pour rien. Non. Ça se tape, ils ont le sauna des elfes. Tu peux taper, ils se font des massages. En... J'haïs les elfes. Écoute, tu choisis pas. C'est pas facile d'être un bon raciste. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui se pratique toute une vie. Tu sais. I have to stop you right now. Because I'm an elf. Je suis content que tu sois si loin. Mais t'aimes les cheeseburgers. T'es pas un elfe. Cheeseburgers are good for everybody. T'es pas un elfe, fuck all. Là. Les elfes, ça vieillit longtemps, puis ça parle plus aigu. Là, pis, maybe I'll die young. Ça a jamais de barbe, non. T'es mauvais elfe. Là. Judge my elf style. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que être raciste, c'est vraiment un travail de toute une vie. Tu peux facilement, à un moment donné, te planter. Moi, j'avais un oncle qui disait qu'il était très raciste. Puis il aimait Star Trek. Chris, il avait pas raison. On a tout un glitch à un moment donné. Tu peux pas. Tu sais, mettons, là, tu fais l'amour à une très belle femme, puis t'apprends qu'elle est un corps Sioux. La honte? Ben oui, tu sais, voyons, tu sais. Ah, moi, je l'ai pas vu, ça, mais mon racisme me demande de tenir compte de ça, mais on s'en tabarnak beaucoup. Tu sais, c'est pas facile d'être bon raciste. Tu sais, il y en a qui travaillent fort pour ça. Et je ne les félicite pas. Et c'est probablement la fin de mon monologue de départ là-dessus. En fait, je viens de tomber en vacances, puis on s'en va au FME. D'ailleurs, on s'en va au FME. Yeah! Avec nos invités, on peut applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le nouveau rapper. Salut. La Renaissance. Vraiment récent. Une certaine fraction du nouveau rapper, si oui. On compte comme il faut. On a William, l'elfe. Ah, tu t'es pas aidé, toi. On a Pascal et on a François. Comment ça se passe, les gars, à être plusieurs au sein d'un déterminant, en fait, d'un article singulier? Ben, parce que en étant le nouveau rappeur, on proclame tout ce qui est récent. Fait qu'en étant récent, on peut être plusieurs personnes en même temps dans la même personne. Parce qu'à chaque fois qu'on pense à ce qui est récent, on pense au trottoir, au plancher, au mur. Mais on pense aussi à d'autres choses. C'est très, très concis et compréhensif. Aussitôt que tu es capable de penser, c'est capable d'exister. On aime tout ce qui est récent. Ça me fait penser au slogan de Vaudreuil. Hein? Je suis. Je suis. Je suis. Je suis, donc je suis. Mais oui. Exact. On jase en tabarnak. Puis toi, François, t'es-tu la tête de ce projet-là? Parce que c'est toi qui as comme la calotte à l'envers. Fait que je me dis que tu dois avoir au sein de ça, il doit avoir une hiérarchie. C'est toi qui as le t-shirt de Nitro aussi? Oui, ben ça, c'est le t-shirt des grandes occasions. Puis aujourd'hui, ce n'est une. On peut l'applaudir, la tête. C'est une grande occasion. C'est un t-shirt de Nitro avec Guillaume le Métis Vierge et Martin Matt dans son plus grand rôle. Wow. Son seul. On a dit la même affaire en des mots différents. Ah oui, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'on est plusieurs têtes. Mais en fait, ce qui est bien d'être un collectif, c'est que en étant con, ça paraît moins qu'on est plusieurs. Fait comme ça se merge. C'est comme une responsabilité à partager comme avec les collègues. Ouais, exactement. C'est un collectif, tu sais, comme là, t'as dit Pascal, mais moi, c'est Nicolas du Nouveau Rappeur. À l'intérieur. Ouais, OK, parce que vous avez aussi chacun votre nom de MC. Là. Ouais, oui, hey, donnez-moi ça une chance. Ça fait longtemps. Puis, fait que toi, ton vrai nom, c'est Pascal, puis ton nom de MC, c'est Nicolas. Exactement. Exactement. OK. On fait des choix à un moment donné. Ça vient d'où, ça, cette mode de nom de MC pour les rappers, là? Ben ça, c'est arrivé par la récence. On enregistrait le deuxième EP du Nouveau Rappeur. Puis il fallait un nom. Fait qu'on a appelé ça Nicolas. Le besoin a créé l'organe. Exactement. OK, je comprends. It's how you translate what you are into another human fictional character. And that way you can do anything you want. Exactly. Because you're an alter ego. Just like Slim Shady. You know, I'm l'ancien DJ. I know all about the old beats. Comme le gars dit. Et puis, le gars qui parle en anglais avec un gros accent québécois. C'est quoi ton nom de MC? Est-ce que ça finit par Aladriel ou quelque chose de même? Genre? No, it's l'ancien DJ. C'est l'ancien DJ. Ah oui, and je I me rap rappelle. In French because French is my emotional language. But I speak in English because it's my logical way of being. I have two minds. and I have the whole dimension to play with them. Okay, so mirrors ouais. talking to them. Exact. Respect. Puis sinon, ben, vous allez à Rouen faire un show au FME, c'est capoté, ça, pour CISM. Là, show de radio, oui, c'est ouais. ça. On fera pas un spectacle de musique. Ben, pas encore, mais là, vous êtes à votre deuxième EP. Hein. À un moment donné, il va falloir ouais. que ça arrive. Ben, c'est parce qu'on est, nouveau, mais on n'est pas émergent. Quatrième. Il y a comme une petite nuance. On n'a pas encore atteint l'émergence. Ah, mais comme la masse critique de likes sur Facebook pour être propulsé vers une scène. Oui, c'est ça. Fait qu'on, on reste avec la nouveauté, c'est notre créneau. OK. On y tient. Il faut rester nouveau, tout le temps. Puis là, on a Nicolas, on a le vieux DJ. L'ancien DJ, c'est OK. Respectable. Toi, c'est quoi, François? Ramon Lebrun, avec un B majuscule. Et sinon, vous avez deux EP disponibles. Quatre. Où on peut... Quatre EP. Quatre. Ah, j'ai... Chris, voyons, j'ai divisé par deux tellement facilement. C'est capoté, ça. Mais où on peut se procurer ça? Sur le fameux Bandcamp, le nouveau site de musique. Donc, c'est possible d'y télécharger la recense. Et exactement. Voilà. Donc, le nouveau rapport, tout d'un bout, .bandcamp.com. OK, c'est bon. Ben, on va essayer de partager l'adresse le plus possible. C'est super content que vous soyez là. D'habitude, on demande à nos invités une question très importante. Est-ce que tu joues à Magic? Je vais répondre en français parce que ça touche mon côté émotionnel. Oui. J'ai collectionné la magie et les magiques. Et je rajoute toujours des treux. Alors, c'est une carte Magic. Est-ce que tu joues présentement? T'as-tu un deck live? Ouais, t'as pas un deck dans tes poches? Oui. Il y a un stylo. Ça, c'est très radiophonique. C'est Will, fait que je peux pas écrire dans ma main. Mais j'ai une 7-7 Flying First Strike. Il sait. OK, c'est bon. Est-ce que ça compte pour... Il a pas encore répondu. Il a pas répondu s'il joue à Magic. C'est pas. Est-ce que t'es un joueur de Magic live? Là? T'as-tu joué dans les deux derniers mois avec tes cartes à toi? My Magic is always live. On va dire qu'il a dit oui. Non, on va dire qu'il a dit non. Ouais, ouais, on va dire qu'il a dit non. Puis toi, Pascal Nicolas. Et moi, j'ai commencé à passer à l'autre, toi, François. Non, je ne joue plus. Fuck that. OK, bon, je me suis fait voler mon deck. J'entends, tu dis que. Oui, tu. Je me suis fait voler mon deck au secondaire. Puis j'avais mis du temps pour le construire. J'avais des Serangels, des Seraphs. J'aimais beaucoup mon deck. Il y a quelqu'un qui me l'a volé. Puis il jouait avec mes cartes après, puis il a pas voulu l'avouer, il a dit que c'était des nouveaux achats. Donc c'était des achats c'est récents. C'est cette personne-là. Fait que j'ai approuvé le vol finalement. Parce que même s'il est contre le vol, il est pour la récence. Ouais, exactement. C'est ça. C'était un vol récent, fait que c'était correct. J'aime ça. Avez-vous comme une espèce de signe? Pouvez-vous baptiser des gens à la récence? Ça serait pas pire. C'est ça. Par notre musique qu'on baptise les gens. C'est... Oh. Merci, Pascal. Hey, d'ailleurs, avec ce signe-là. Ou avec le signe de l'elfe anglo. J'ai entendu dire que tu venais de McWater, toi. Exactement, j'y sois de l'ombre. Hey, c'est capoté, ça. C'est malade. On parlait de ça tantôt, on a parlé du parc beaucoup. Ouais. Puis je pense qu'il est temps de faire un indicatif. Parce qu'on peut parler du parc vraiment longtemps. Puis on a des shows à meubler avec ça cette semaine. On demande tout le temps un indicatif à nos invités. Bonjour, bienvenue à 60. Nous sommes le nouveau rapper, vous écoutez présentement 70% poil aux dents, comme ça vous tente. Fait que là, c'est à vous autres. Bonjour, nous sommes le nouveau rappeur, bienvenue à telle affaire, puis en vous souhaitant aussi telle affaire, douteux.org. Très récent. 70%. J'ai pas écouté la question. Ça me va parfaitement. Merci beaucoup, les gars. Il y en a deux autres qui vont sûrement venir rotationner au fil de l'émission. 70% commence. Non, vous avez des micros. Prenez ça relax à partir de maintenant. Il y a de la bière et tout. On est-tu prêt, Bruno? Je pense que oui. Hein? On est prêt, s'il vous plaît. Gentil, pas de vin. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Un homme de Kenosha County au Wisconsin était installé sur une voie ferrée avec son téléphone pour filmer l'arrivée d'un train quand le prévisible est survenu. Personne n'a jamais vu ça, fallait filmer. Le jeune homme de 18 ans n'a pas eu le temps de se tasser des rails assez rapidement pour éviter le train de 1300 tonnes qui, non, pardon, 13 000 tonnes qui roulait à une vitesse de 55 km/h. Il a été transporté à l'hôpital où il demeure dans un état critique. Y a-tu réussi à garder la scène aplatie au moins ou, Dans l'histoire le dit pas, mais ses quatre amis qui étaient là, par exemple, je sais pas s'ils ont trouvé. Est-ce qu'ils ont réussi à uploader la scène clip. Aplatie? C'est yeah, how many likes? Savoir. How many likes did it get? How many likes did it get? 100. Il y a des recherches bon, à faire. Bon, c'est gros, ça, 100? Merci, Bruno. On le félicite pas, lui, non plus. Hein. Non. Marcus Colomb. Lol. Était à une seule porte de sa liberté. L'homme de 23 ans qui devait sortir de prison après avoir purgé une sentence de 9 mois pour vol s'est senti attaqué quand un gardien de prison lui a dit « Ne reviens pas » et a décidé d'utiliser ses premiers moments de liberté pour puncher le dit gardien d'en face, incitant les autres gardiens à le contrôler et à l'asperger de poivre de Cayenne et à le ramener à l'intérieur de la prison. Colomb a été accusé d'interférence avec le travail d'un officier, de voie de fait sur un officier de sécurité, d'avoir trouvé la paix et de conduite désordonnée, puis s'en retourne en prison. Mais il a fait valoir son point. Oui. Son point. C'est qui a le dernier mot? Le système de justice, je pense. C'est ça. C'est jamais le gars qui est en prison. Non, en général, non, c'est pas ça. Une mère et son fils étaient dans un vestiaire du magasin Adidas d'Atlanta et quand le fils a trouvé un pistolet qu'il croyait être un jouet sous un banc, la mère a alors pris le pistolet et a décidé, pour vérifier si c'était un jouet ou un vrai pistolet, de tirer un coup. C'était un vrai pistolet. Un seul coup a été tiré, personne n'a été blessé. L'incident fait toujours objet d'une enquête. Quand on va se revoir tantôt, je vais avoir un bloc Eclipse. Un bloc, ben oui, c'était la semaine passée. C'était la semaine passée. Il y a eu des rappers qui ont essayé. Shout out à Joey Badass. Merci Bruno. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Elle a essayé. Elle a essayé, moi. Parce que c'était important la réponse à ça, ouais. D'une manière quelconque. C'est sûrement un jouet. Ouais. Calvaire. On passe au prochain. Bonjour, bonjour Tony, bonjour Bono Corbeil, salut le boulot trappeur. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un phénomène facilement observable par tous. Pardon. Ça va? Il est en train de perdre la face. Il y a une fausse moustache, un faux nez. On aurait pu me reconnaître. Puis il y a des vraies lunettes en dessous. C'est ça. Ben, il y a une vraie moustache, un vrai nez, puis une vraie calvitie en dessous de la fausse calvitie. Tout ceci n'est que pivisé. Alors, un phénomène facilement observable par tous et généralement ignoré par les pauvres ouailles endoctrinées hein, par les gouvernements et les corporations qui mènent le monde. Vous n'avez qu'à lever les yeux vers le ciel lorsqu'il n'est pas trop nuageux pour constater par vous-même ce qu'on balance dans l'atmosphère à grands coups d'aéronef. Hein, ces grandes traînées blanches, ne vous inquiète-t-elle pas, les tourtereaux? Ce que les éclairés nomment les chemtrails démontre chaque jour que des puissances obscures sont à l'œuvre à votre insu. Les fins observateurs affirment que les traînées blanches et persistantes, souvent laissées par les avions, sont assurément les traces laissées par des produits biochimiques aux effets et objectifs divers. Allumez les poireaux, on nous asperge! Oh. Ouais. Les théories vont du contrôle atmosphérique par l'armée pour changer la météo jusqu'à la stérilisation partielle des populations indésirables, en passant par l'inoculation de maladies, la facilitation de la manipulation psychologique des masses impressionnables et le contrôle de rayons du soleil pour, selon votre allégeance, accélérer ou retarder les effets du réchauffement climatique. Je vous conseille de ne prendre aucune chance et de considérer que chacune et toutes ces options sont réalistes, plausibles et non exclusives. Il faut se préparer à toute éventualité, Tony. C'est pas toujours facile d'être éveillé les arrosés. Les collabos vous diront que ces lignes blanches ne sont que l'effet de la condensation extrême causée par l'altitude élevée et la température basse sur l'air chaud rejeté par les moteurs des avions. Ne vous laissez pas berner! Ce n'est pas parce que le trafic aérien est plus élevé que jamais que la quantité de traînée a augmenté. Hein? Ce lien de corrélation est tout à fait absurde. Clignez pas trop des yeux, les péteurs. Hein? Hein? Hein? Pourquoi est-ce que toutes les agences de gouvernement et chaque branche de l'armée s'appliqueraient à nier les faits si ce n'était pas pour couvrir quelconque projet secret? Pourquoi, parmi les 77 scientifiques les plus spécialisés en chimie atmosphérique et géochimistes travaillant sur les dépôts de pollution, il n'y en a qu'un seul qui n'ait pas rejeté en bloc la théorie des chemtrails? Je vous le dis, c'est le seul qui n'a pas reçu le mémo d'occulter la vérité. Pourquoi exactement 77 scientifiques? Ce chiffre ne vous paraît-il pas louche? Poser ces questions, c'est y répondre un peu. Tout ça tombe sous le sens, Tony. Quant à mon humble collaboration mensuelle à ce que les obfuscateurs appellent les théories complotistes, j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de trace qui sévit quotidiennement. Personne n'est à l'abri, Tony. Cessez de blâmer un sphincter un peu trop relâché ou une diète un brin déséquilibrée. Ces traces brunes qui souillent vos caleçons ne sont pas de votre ressort. Tournez-vous vers le gouvernement, l'armée et autres cabales avides de pouvoir si vous voulez rejeter l'odieux de ces marques disgracieuses sur le véritable coupable. On vous contrôle par le fond de culottes, les floués. D'ailleurs, je pense que je viens d'être victime moi-même d'une break trail. Je vais aller me changer et la prochaine fois, je vous indiquerai plus en détail comment lire le fond de vos shorts pour y détecter quel type de drogue on vous a fait inhaler à votre insu et à quel escient. Merci. C'était assez récent, ça? Vraiment récent. Ouais, c'était très récent. Avez-vous comme une échelle de récence? Ben, nouveau. Ouais. Ouais. Tout qu'est-ce qui est nouveau. Puis ça, OK. Nouveau. De un, nous de, à vos. De, ouais, ou. C'est ça. De un à nouveau. Fait que c'est tout le temps nouveau. OK. Okay. Ou pas. Tout ce qui est pas ouais, un pas, est nouveau. Quand ouais, c'est pas nouveau, c'est pas bon. Ouais. On en ouais, comprends. On perd notre temps un petit peu d'en parler quand c'est pas nouveau. J'aime ça, votre manière de voir. Mais on se parle, c'est nouveau. C'est quand même récent ce que tu es en train de dire en ce ouais, moment. J'aime vraiment bon. Beaucoup votre philosophie. Avez-vous pensé faire un film? Souvent, les collectifs, ils font ça. Là, ils se payent un gars qui n'a rien à faire. Puis là, il suit avec une caméra pendant un temps. Puis là, il... Un livre avant tout. Le nouveau livre. La nouvelle Bible, genre. Ça, c'est nouveau, les livres. Ben, ça. Après ça, ça sera le nouveau film. Ah, le nouveau film. Basé sur le nouveau livre. Effectivement. Ouais, exactement. Un peu nouvellement revu. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. On est prêt à passer au nouveau collaborateur. Ah. On passe au nouveau. Je veux que la chanson joue longtemps. C'est le fun en plus parce que ça va nous coûter genre 2000$ de droits d'auteur. Oui, on dit que c'était correct. Je pense pas. Je pense que ça va être correct. C'était quand même pas vraiment une toune, ça. C'était une 12 notes, genre. En tout cas, hein? Moi, j'aurais pu la faire. C'est vrai? Ben oui, voyons, toing. Je t'amènerai un petit clavier la prochaine fois, on va faire. C'est dorénavant ma chanson d'entrée officielle, là, les feux. Non, c'est pas ça. Oh oui. Ça va, tout le monde? Allô? Je suis encore là. Salut, Anne-France. Bonjour! Ça va bien? Ben oui, t'as mis ta calotte, ta fierté. Ça, c'est la casquette de la victoire, OK? Si quelqu'un veut me défier, je suis prête à Mario Kart Double Dash. J'ai gagné une casquette, mais je reviendrai une autre fois. Je vais vous raconter ça pendant à peu près une demi-heure. Sinon, on s'est vu, ça fait longtemps, c'est une grosse semaine. Fait que depuis lundi passé, je suis sobre. Oui, merci. Et par sobriété, on entend deux coupes de vin au lieu de deux bouteilles. Là. Fait que c'est vraiment une grosse, grosse amélioration. Ceux qui sont perspicaces auront remarqué que mes décisions capillaires sont donc pas reliées à mon taux d'alcoolémie. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis là? Ah, j'ai pris le train de banlieue. C'était vraiment le fun. C'était cool. J'avais jamais pris, fait que c'est ça. Sinon, j'ai le rhume des foins. Après ça, j'ai fait une crise d'angoisse de 5 jours en ligne. C'était vraiment agréable. On a mis entre mes mains, et ça, c'est vraiment malade, un roman harlequin pas encore publié. Fait que, ouais, il existe pas. Je vais vous lire ça, je vais revenir vous en parler. J'ai beaucoup de misère à gérer mon excitation. Soit dit en passant, ça doit paraître en ce moment. Cet après-midi, j'ai fait un quiz qui c'était « Qui est votre âme sœur dans les feux de l'amour? » La réponse, c'était Victor Newman, le plus vieux, le plus riche. Yes! À part ça, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il s'est pas passé grand-chose, hein? J'avais rien de prévu, mais je veux parler un peu de ma vie. Ah oui! Sur Facebook, il y a l'application On This Day. T'sais, on peut savoir qu'est-ce qu'on a publié la même journée les autres années d'avant. Puis en 2008, j'avais écrit que j'étais cernée. Fait que j'ai un peu de stabilité dans ma vie, c'est quand même cool. Sinon, le 28 août 2010, c'était le décès par assassinat de compassion de mon petit Bernard, qui était mon rat de compagnie. Je l'aimais beaucoup, j'en suis encore super triste, puis c'est pas mal ça. Il est enterré dans le champ des possibles, si vous voulez aller y rendre un hommage. Puis voilà, fait que j'avais une petite chronique à préparer, puis je savais pas quoi dire. J'ai demandé à mon amie, j'ai dit là, je sais pas quoi parler dans ma chronique. Elle dit, puis ça avance-tu? J'ai dit, pas en tout, je suis dans le plein néant. Elle dit, exploite le néant. C'est récent. Trois minutes, ça va pas payer. Quoi? Ah non, mais écoute. Fait que là, j'ai dit, Chris, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais exploiter dans le néant, à part les quiz de savoir c'est qui mon âme sœur des feux de l'amour puis tout ça. Et j'avais la réponse dans mes courriels tout ce temps-là. C'est vraiment génial, OK? Je reçois des potins par courriel. Je les ai pas demandés. Je les reçois parce que je me suis inscrit à une affaire d'auto-examen des seins, puis finalement, ils m'ont envoyé des potins, OK? Fait que bref, je lis tout le temps les titres, mais je lis jamais le contenu. C'est quoi le lien, hein? Je sais pas. Parce que tout ce qui a des seins à auto-examiner aime les potins. Ben, il fallait que je m'inscrive en rentrant mon adresse courriel. T'sais, on vous envoie un rappel une fois par mois pour vous taponner les boobs, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de masse dedans. Puis j'ai fait « Oui, cool, renvoie-moi le rappel. » Puis là, deux jours après, je recevais des potins, puis j'en reçois tous les jours depuis comme 10 ans. Ah oui, mais je les lis jamais. Puis tu sais, c'est comme t'sais, des potins, les titres, mettons « Ah, Khloé Kardashian n'est pas contente parce que... » Puis là, faut que tu cliques, tu sais. Ou bien « Ah, Kim Kardashian donne des conseils sur l'amour. » Là, je clique évidemment pas. Après ça, il y a comme « Ah, Kim Kardashian est perplexe parce que Jay-Z puis Kanye se chicanent, on sait pas pourquoi. » Fait que c'est plus que sur les Kardashian, ton ben, affaire. Oui, mais là... écoute ça, OK, j'exploite le néant en tabarnak. Aujourd'hui, il y en a un qui s'appelait « Tori Spelling revient sur son plus grand regret beauté. » Là, je suis comme... C'est Tori Spelling. Spelling. Ça, c'est la fille. C'est la fille là, qui était dans la série 90210 parce c'est que son père était le boss. C'est ça. Mais Tori Spelling, tu sais, on s'entend qu'elle a eu une couple de retouches là, depuis le temps, mais j'étais comme ah, elle va parler de ses chirurgies ratées, puis c'est bien drôle. Non, écoutez ça, OK? Tori Spelling regrette bien une chose dans sa vie, deux points, s'être trop épilé les sourcils en étant plus jeune. Comme elle l'a expliqué, la mode des sourcils très fins est passée et faire repousser ses sourcils est très difficile pour l'actrice qui suit les tendances beauté. La star de Beverly Hills a révélé « Je n'aurais pas dû épiler mes sourcils trop fins dans les années 90. » Hey, on s'en tabarnak, là! J'ai dit que j'exploitais le néant. Hey, on s'en crisse! C'était important dans les années 90, les sourcils épilés. Personne ne m'a dit que le sourcil ferait son grand retour et maintenant, il est de retour. Hey, non, c'est... On sent super crisse! T'as-tu épilé tes sourcils des années 90? Ben, non, mais sois là, c'est pas grave, pas ça! T'as-tu épilé tes sourcils, Tommy? Ben non! Mais Tori Spelling, oui! Oui! Garde, elle dit, on l'a tout fait sur le plateau de Beverly Hills. Jenny, Garth et moi avons regardé en arrière et on s'est dit, oh mon Dieu! Ah, elle fait du name dropping, là. Elle amène du monde dans son loop. Ben ouais, puis là, en tout cas, mature, Tori. Elle a trouvé une solution pour ses sourcils. Elle a elle-même créé un produit spécial pour donner l'illusion d'avoir des sourcils plus imposants. Ah! Pour sa ligne de cosmétiques Beauty Box by Tori. Malade! Ça, c'est du néant de qualité. Sinon, en furetant sur Facebook, Olivier Primo écrit « Comment devenir riche avec les réseaux sociaux? » J'étais comme « Chris, je vais cliquer. Hein, si on va apprendre à comment devenir riche avec Facebook. » Puis il dit « Bref, nombreux sont ceux qui me demandent des conseils concernant les réseaux sociaux. Ce à quoi je réponds toujours la même chose, deux points. La base de la réussite en ligne est simple, faire vivre votre histoire avec passion à votre communauté. Vous n'êtes pas la vedette de votre entreprise. Les clients le sont. » Fait qu'on va tous devenir riches. C'est ça. Puis il avait écrit aussi pour les haters, je sais que mon père était là avant moi, beach day every day, avec un palmier. Sinon, Avril Lavigne va mieux. Mais c'est-tu vraiment elle ou c'est son clone? C'est pas drôle. Elle combat la maladie de Lyme avec passion. Et à part ça, mon Dieu, qu'est-ce que le néant nous a appris? Mel B a lancé son verre d'eau au visage de Simon Cowell. Faut pas l'embêter, Mel B. Bref, elle est dans un divorce. Hey, sérieux? Ça arrête-tu bientôt? Ouais, Simon Cowell, il a lancé une petite vacherie. Il a dit... bon, bref, il y a une performance qui a mal tourné. Puis Simon Cowell a dit... Je pense que ce sera un peu comme la nuit de noces de Mel B. Beaucoup d'attentes, mais au final, pas grand-chose. Puis là, il a collé son verre d'eau d'en face. Il me reste-tu d'autres potins? Oh, Jennifer Aniston refuse de changer de coupe de cheveux. Elle veut pas. Elle possède depuis des années la même coupe que celle qui l'a fait connaître en tant que Chosebin dans Friends. Là, j'ai jamais écouté ça de ma vie. La belle blonde pense qu'elle a des habitudes. Elle a déclaré... Ah, blonde, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est tellement drôle. Je suis une créature pleine d'habitudes. Une étrange créature pleine d'habitudes. Je ne répare pas ce qui n'est pas cassé et je m'en fiche de ce que les gens pensent et je m'en fiche si les gens veulent que je change ma coupe de cheveux. J'aime les balayages blonds californiens. C'est rassurant et ça me fait me sentir mieux. Attends, j'en ai un meilleur encore. Paris Hilton croit qu'elle aurait pu être la princesse Diana. Oui! Ouais, hein? Non. Elle est persuadée qu'elle aurait pu être autant appréciée que la regrettée princesse de Galles si son petit ami de l'époque n'avait pas diffusé la vidéo de leur débat sexuel. Blonde. Je suis vraiment, vraiment tanné. J'en ai un dernier. Jennifer Lawrence, son déménagement ne se passe pas comme prévu parce que... On s'en tabarnak! On s'en crisse! Je vais-tu me faire flaguer si je nomme des vedettes? Bref, elle a emménagé dans une nouvelle maison. Ça allait pas bien, puis parce qu'il y avait des cristaux dans ses murs, des cristaux qui auraient des propriétés spirituelles. Elle voulait pas que les gens pensent que c'était une personne à cristaux. Comment qu'on fait les enlever, pour que ça l'arrête? Sa maison a été inondée. Comment? Putain. Bref, sa maison a été inondée parce qu'elle a enlevé ses cristaux. Puis sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on peut-tu faire comme aux Oscars, genre partir la musique, quelque chose? Genre? Après, je vais m'en aller, là. Elle a dit que la maison était pleine de cristaux et j'ai demandé, s'il vous plaît, débarrassez-vous-en. Je ne veux pas que les gens viennent ici et pensent que je suis une personne qui aime les cristaux. Ça sonne générique de fin, hein? OK, bon, écoute bien. Ça vous apprendra à me donner des chroniques. Ça pour dire que je vais lire un livre d'ici ma prochaine visite. Puis c'est mon micro, ça. Ça, c'est qui? Putain. D'ici la prochaine visite, je vais lire un livre, c'est promis. Bye! On a vécu des émotions. Merci, Anne-France. Ah, calice, ça me vide, moi, ces niaiseries-là. Next? Scolaire. Salut Lutin, toi tu nous amènes des bonnes nouvelles au moins. Si quelqu'un qui veut m'acheter un crayon, c'est un bon crayon, c'est un Sharpie, c'est 10$. C'est pour m'aider pour ma réinsertion sociale, sais-tu m'acheter un crayon? Écoute, si tu veux, c'est plus ton genre, je rajoute un pot de vaseline avec. Je l'ai essayé, il marche très bien, ça aide vraiment à la réinsertion. Sont-ils nouveaux? Presque neuf. Écoute, ça veut dire qu'ils ont un de nouvance. Ça va pas très bien ces temps-ci, je dois vous le dire. Et je vais ben vous oui, t'as pas l'air pépé, lutin. C'est parce que c'est une période creuse pour les lutins. Hein. Le mois d'août, c'est pas facile. J'attends avec impatience que Noël ou Halloween revienne. Puis ben, t'as appelé ça Noël Halloween? Noël, oui, je suis le lutin de Noël Halloween, tout le monde sait ça. Je pense que ça va mordre, ça. Je pense que ça va poigner. Ben, c'est un peu comme pour mettre trop d'émotions positives puis trop d'émotions négatives dans un juste milieu. Fait que c'est juste drabe tout le temps. Ces temps-ci, tu vois, comme j'avais pas grand-chose à faire, j'ai décidé de me trouver une nouvelle activité. Fait que j'ai feuilleté un petit peu les journaux, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une activité qui était proposée, une classe ouverte à Québec par la Meute. Fait que je me suis dit ça tombait bien, j'avais jamais fait de scoutisme, fait que je suis allé là. Une fois arrivé à Québec, j'étais un petit peu mélangé parce que il y avait comme deux classes ouvertes qui se donnaient en même temps. D'un côté, à ma droite, il y avait une gang d'hommes blancs chauves qui tenaient des pancartes en silence. Ben, tu sais, il y avait des hommes blancs chauves vieux, puis des jeunes aussi. Fait que ça, c'est correct, c'est comme inclusif. Puis, à ma droite, il y avait aussi un groupe avec des gens qui étaient cagoulés en noir. Puis eux autres, ils avaient l'air de se faire pas mal plus de fun. Fait que j'ai décidé d'aller à ce cours-là à la place. Puis ça tombait bien aussi parce que j'avais jamais fait des cours de ninja avant. Fait que j'ai appris plein de choses cette journée-là. On a fait des cours de comment utiliser des armes improvisées. J'ai dansé du Bollywood avec Jackie Singh aussi. Ça a l'air qu'ils font ça. Puis aussi, on a fait un atelier de lançage de projectiles. Puis j'ai comme pogné un jeune chauve. Mais il n'y avait pas trop de rancune dans sa... T'sais, il m'a renvoyé un beau salut en... Puis moi, je lui ai fait le salut secret des ninjas en réponse. Le salut secret des ninjas. Fait que ça s'est bien passé entre nous autres. Puis c'est à ce moment-là, ça, la game a changé un peu. Il y a comme un moniteur de camp qui était déguisé en police. Il m'a ramassé, il m'a mis des menottes, puis il m'a emmené en dedans. Puis là, il m'a emmené parce qu'il y avait une activité où je pouvais mettre mes apprentissages en pratique. Fait qu'on a fait comme un jeu d'évasion qui appelle, m'a emmené dans une prison, puis il fallait que je trouve des indices pour sortir. Je suis choqué en tabarnak, j'ai rien trouvé. J'avais même pas d'outils pour m'aider. Écoute, fait que là, après une heure, j'étais écœuré. J'ai demandé au garde, je suis pas capable. Là, tu peux me laisser sortir, le jeu est fini. Pis c'est là que j'ai appris la vérité. Ça a l'air que j'avais été arrêté pour avoir troublé une manifestation pacifique de gens qui manifestaient contre l'immigration illégale. Puis que ça a l'air que j'étais juste pas du bon bord cette journée-là. Écoute, Tommy, j'étais un petit peu éberlué parce que, de un, je savais pas que c'était un enjeu être contre l'immigration illégale. Je savais pas qu'il y avait des gens pauvres. Puis de deux, ben, j'étais pas du mauvais bord. Je me suis juste trompé d'extrémité dans les cours. Écoute, puis je suis pour ça, moi, avec, à être contre l'immigration illégale. Fait que, tu sais, je suis une victime de la polarisation, là. C'est pas que je voulais pas être avec eux autres, tu sais, c'est juste parce que c'était plate. Puis, tu sais, j'ai essayé d'expliquer aux gardes. Moi aussi, je suis fier d'être blanc. Je suis un lutin blanc, cis magique. Je suis comme... J'haïs ça, moi aussi, les elfes qui arrivent ici, illégalement. Ils viennent voler tes jobs. Ils viennent voler mes jobs. Ils se font donner des pensions, genre. Ils vont travailler dans les plus beaux centres d'achat. Puis pendant que nous autres, on se travaille, puis on est dans des centres d'achat de seconde zone, comme le centre d'achat Forêt, puis le boulevard avec des Pères Noël qui sont même pas des vrais, puis qui ont des fausses barbes, puis qui ont de l'acné. J'ai essayé, les hosties. Pis tout ça parce que eux autres, leur forêt, hein, leur forêt a brûlé, leur forêt est desséchée. Pis là, ils viennent ici de nous voler nos jobs. Mais Chris qui a planté des arbres, tabarnak, ça va régler le problème. Merci. J'avais besoin de votre soutien aujourd'hui. Alors, retourner les elfes chez eux, ça, je suis pour. Fait que tu quelqu'un qui veut m'acheter un crayon, finalement? Va te promener dans la foule, il y a quelqu'un qui va t'en acheter un, c'est sûr. Merci, bonsoir. Merci, lutin. C'est le lutin, mesdames, messieurs. Hey, ça allait pas, hein? D'habitude, ça va mieux, ces affaires. Ouais, non, là, ça veut pas l'air de... Ben, en même temps, on comprend, là. Tu sais que tout le long... Quel imbroglio. C'est vrai, c'est vrai. Tout le long qu'il parlait, j'étais en train de me dire que le déménagement de Jennifer Lawrence n'a pas été facile. Je pensais juste à ça. Pendant un bout de temps, j'étais comme vraiment, en tout cas. Calice d'hostie. On est. Allez chier, tout le monde. Voyons. Truc de ouf. Ouais, OK. On vient d'être. On a remplacé, vous avez bien vu, François et William, c'est-à-dire Ramon et. L'ancien DJ. Pour deux nouveautés ici. Là. Présentez-vous, tiens. Directement de Paname, arrondissement 31, c'est Cordon Bleu, alias Prince Héritier. Je suis Brett Scorpion, hello Montreal, et vous écoutez dutu.org. Thank you. Merci Scorpion, Ça apprécie, hein? Ça en fait des affaires à se rappeler. Toi, la coupe de cheveux de Jennifer Aniston, qu'est-ce que t'en penses? Tu as une très belle soirée. Merci, c'est charmant. Les cheveux sont magnifiques. Aniston, you rock. Que des trucs de ouf! Ah, ça apprécie. Puis ben là, on va le demander, on va finir le 6. En tout cas, je sais pas c'est quoi un triumvirat quand il y en a 5, là, mais. Joues-tu à Magic, toi, Scorpion? J'ai déjà eu un gin. Ok, le toi, est-ce que tu joues à Magic? Au fusil, oui. On joue surtout. Mais ça, on comprend tellement vite leur saveur. Hein? Vous jouez surtout de la musique. Tantôt, j'ai entendu dire que vous allez nous faire une prestation live. C'est quoi les chansons que vous allez chanter? Moi, je suis nouvellement végétarien, donc tout ce qui est. Espèce animale, je rejette en bloc. Donc, ce spectacle sera à connotation végétarienne pour tous mes amis qui kiffent, tous ceux qui viennent de Paname, de Montréal. Peu importe. Je vais faire la chanson de Korn, Freak on the Leash. We will do the song. Ah ouais, yeah. Que des trucs de ouf! Oh lolo, les merguez! VG, merguez VG. Oui, oui, bien entendu. Oui. Puis ça fait combien de temps que ça dure? C'est quoi l'épitomé qui va arriver avec le nouveau rapper? Jusqu'où ça va aller, ça? Jusqu'où ça peut aller ou jusqu'où la récence peut nous emmener? Parce que le nouveau rap, c'est pas un style de musique qui existe. C'est du théâtre radiophonique. Fait que aussitôt qu'on faut se le dire, faut vraiment se le dire, parce que aussitôt qu'on embarque, on continue à en faire. Ça fait là 4 ans qu'on fait ça. Ouais. Puis faut plus, continuer. Plus depuis 1955. Ouais, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au cabaret du Lion d'Or. À un show de Bret Scorpion justement. C'était, à Copenhague, j'ai vu les gars après le spectacle, ils sont venus, on a serré les pinces et amis. Ouais, exact. Ami, ça va bien. Oh, c'est beau. Ben oui. Music saves the world. On est très content de vous avoir avec nous, en tout cas, le nouveau rapper. J'aime beaucoup ça. La dernière fois, on se souvient, vous êtes venu, vous avez chanté la toune sur les escaliers. Ouais. On a beaucoup apprécié. Peut-être qu'on va la refaire, ça va dépendre. C'est mais voilà. Allez, je veux voir les mots au plafond. Ben, merci. Ouf! Vous avez un micro, puis là, on va avoir un autre chroniqueur. Ah, Christ. Je suis Brett Scorpion, vous écoutez douteux.org. Merci. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Yes. Let's go, on passe au prochain! Fromage. Hey, bonjour, comment ça va tout le monde? Hey, salut Kevin. Moi, ça va super bien. Ta fly est dézippée. Ah, ouais, hein? Pas grave, c'est tout le temps ça. C'est pour me faire aérer. Bon. Salut Kevin. Ça va bien? Ben oui. Ouais. C'est quoi dans. Attends. Ah, wow. Floyd Mayweather, McGregor, hein? La dernière épisode de Game of Thrones? Ça, on n'en parlera pas. Ça, c'est toutes des millions que l'humanité a bien investis. Oui, oui, ben oui. Alors, je viens vous parler de quelque chose de bien plus pertinent, ma quête de sexe. Yeah! Si. Yeah. Hein? Chris, il y a 3 personnes qui viennent de se lever et de s'en aller. Ils sont dans ma gang. Bon, ben c'est ça, moi, là, j'étais en quête de sexe, là, tu sais, depuis Annette, là, elle me battait tout le temps, je l'ai quitté, tu sais. Oui, on s'en souvient. Battait aux jeux vidéo. À Street Fighter 2. Non, à tous les jeux, pratiquement. La honte. C'est pas une fille pour moi, ça, là. En tout cas, fait que là, là, depuis un bout, ben, tu sais, je t'avais dit, v'là un bout de temps, que j'avais rencontré Tigui Lalune, là. Oui. Dans la guerre des Tucs, là, Tigilanus, je l'avais rencontré. Et il était dans un autre film aussi. Back and Bottin. Oui. Bon. Puis là, je l'avais rencontré, puis il était bien cool, le gars, puis là, il avait bien faim, apparemment. Puis moi, j'avais une livre de fromage sous moi, comme par hasard. Puis là, il m'a dit hey, tu peux-tu me donner ton fromage? Puis là, moi, j'ai dit, j'ai repensé à ça, puis j'ai fait hey, t'as gagné un Gémeaux, toi? Tu veux-tu me l'échanger si c'est moi qui gagne à Street Fighter? Fait qu'il a dit oui, puis j'ai crissé une volée à Street Fighter, puis j'ai ramassé quoi? Son Gémeaux. Fait que j'ai effectivement gagné un Gémeaux. Pour de vrai. Tu l'as gagné à Street Fighter. À Street Fighter. C'est un vrai, là. Ouais, ouais, c'est un vrai de vrai, là. C'est Tigui Lalune qui a gagné ça pour mon émission préférée, hein? Flash Varicelle. Je vais en revenir là-dessus plus tard. Puis là. Tu vas revenir sur Flash Varicelle. Ouais, c'est parce qu'il y a un but ultime à avoir gagné ça. C'est une quête que j'ai depuis longtemps, là. Tu sais, comment je suis avec mes quêtes, moi. Ah oui, ça dure longtemps. Très intéressant. Hey, arrête de. Mêle-toi de tes affaires, Gisèle. J'arrive à ça, là. Est-ce que c'est con une girafe, man? C'est ton, ouais, ton ami girafe. C'est tout le temps en train d'interrompre. T'as-tu déjà entendu ça, une girafe? Ça parle. Ça jacasse. Ça a un grand coup. Ça a tout le temps le nez dans tout. Hey, c'est cave. Est-ce que je serais pour l'extermination de ça? J'en connais juste une, mais est-ce qu'elle est désagréable? Gisèle. En tout cas, fait que là, j'arrivais à mon autre point, c'est que là, en attendant à Annette puis ma quête ultime, il n'y a pas de fille. Puis là, mon ami Pierre Duquette, tu te souviens de Pierre Duquette, il m'a conseillé d'envoyer des dick pics sur Internet à plein de filles. Moi, je connais pas ça, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, ben, ça peut m'aider, tu sais, je vais l'envoyer. Fait que là, j'ai envoyé un paquet de photos de mon pénis à plein de filles que je connais pas, que j'avais jamais parlé. Un héros. Puis là, ben, Chris, c'est drôle que t'en parles parce que, apparemment, je suis vraiment hot, là, tu sais, je veux dire, j'ai eu que des bons commentaires. C'était comme, bravo! Wow! Merveilleux! T'es un champion! Ça, j'en ai eu une couple de t'es un champion. Moi, je suis rendu le champion maintenant des dick pics. Je vais pouvoir mettre ça sur mon CV après membre de The Box, Street Fighter champion des dick pics. Mais moi, de toute façon, là, en tant que champion, j'ai pris ma retraite. Parce que, tu sais, hein, t'es aussi bien de lâcher ça pendant que t'es encore gagnant. Ça, c'est courageux. C'est pas de ma faute, c'est Pierre Duquette qui m'a dit de le faire. C'est vrai. Fait que moi, je comprends même pas ça. Anyway, envoyer des pénis non sollicités. Pourquoi? Mais je l'ai fait, en tout cas. Fait que là, ça doit marcher des fois s'il y en a qui le font. Je sais pas si ça marche, cet argument-là, par contre. Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai eu avec des bons commentaires. Ouais, OK. Mais c'est ça. Fait que là, moi, ma quête ultime, là, c'est que quand j'étais petit, genre à 12 ans, j'ai été passer des auditions pour Flash Varicelle. Je voulais animer Flash Varicelle. Puis là, finalement, après les auditions, ils ont pris Tigui Lalune, c'ti. Pis là, moi, j'étais un peu jaloux, tu sais, de tout ça. Parce que moi, là, mon but ultime, c'était de marier Julie Deslauriers, l'autre animatrice. Elle aussi a gagné un trophée de même. Il y a personne qui sait de quoi tu parles. Julie Deslauriers, c'était la fille dans Flash Varicelle, puis elle était dans Chambre en ville. C'est une animatrice et une actrice dans notre jeunesse. Puis là, moi, je me suis dit, ben, Chris... Je vais l'impressionner, Julie Deslauriers, elle va capoter bien raide. Si j'y amène mon trophée, plus le sien, ça va faire comme la Triforce, sauf avec deux morceaux. Je vais devenir comme Link dans Zelda, elle pourra pas me résister. OK, ça va faire. Je vais prendre mon trophée, là, excuse, je vais fuck le deal, là, moi je crisse mon cœur. Qui? Hey, hey! Moi le tir dans ma main! C'est quoi, c'est-tu une mutinerie de chronique? Moi le tir dans ma main! On vient-tu de se faire hijacker notre Kevin par Tigui Lalune? Tigui, fais-nous ton prix! C'est pour ça que je voulais pas être là, mais j'avais besoin de mon trophée parce que... Parle dans le micro, là, parce que sinon, on n'entend rien. OK. Ben, c'est ça, je veux juste mon trophée. Moi, en fait, je crisse mon cap. Ben non, reste là, on va jaser un petit peu. T'es le grand Tigui Lalune? Non, c'est parce que Kevin, il est allé avertir sa mère. Des pièges de renard à quoi? Oh! J'appelle ma mère, là! Il faut que j'y aille, parce que, en réalité, bon, il n'y a pas personne. Moi, ici, en réalité, moi, je n'étais pas supposé de jouer dans la guerre des Tucs. Ils sont venus dans mon coin. Puis là, je voyais ça, j'entendais ça, ça se battait, tout ça. Fait que moi, je vivais dans le bois, puis tout. Je vivais dans le bois. Fait que là, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que tu vivais passait. Dans le bois déjà à cette époque-là? Ouais. Tu nourrissais de quoi? De branches, puis de framboises? Des fruits, des sortes de choses dans le bois. C'est quoi ton nom? C'est Tommy. Là. On a Scorpion, il y a un gars de Paname, puis Pascal. Ouais, Scorpion. Non, en tout cas, c'est ça. Ça. Puis c'est ça, en réalité, ils m'ont pogné l'œil. Là, je les dérangeais dans leur film. Ouais. Fait que là, ils m'ont gardé parce qu'ils trouvaient ça cool, là, un petit gars qui se promène. Puis tout ça, sauf que là, après ça, ils voulaient que je fasse de la TV encore. Fait qu'ils m'ont kidnappé, puis ils m'ont amené à Télémétropole dans le sous-sol. Ils m'ont gardé là 6 ans, puis ils m'ont fait faire des affaires, là, Flash Varicelle, puis tout ça. Puis Kevin, c'était le fils d'une des de la gang de Télémétropole qui m'enlevait, puis il venait me nourrir des fois. Il fait que là, ça fait 40 ans que tu habites dans la cave de Télémétropole, puis ton seul ami, c'est Kevin. Ouais, c'est ça. Il m'amenait de la Dude. Musique pareil. J'ai pris du The Box, puis du Bundock. Et ton nom, c'est Tigui Lalune? Tigui Lalune. Why? Parce que c'est comme ça que les loups qui m'ont trouvé m'ont appelé. Excellent. Thank you. Thank you, Tigui. Hey, c'est le origin story de Sauf que là, l'affaire, c'est que moi, je viens de sortir. J'ai suivi Kevin, il voulait absolument me faire mon esti de Gémeaux. Fait que je les écoute, fais-moi sortir de ton esti de trou. Puis je vais te donner mon Gémeaux. OK. Fait que là, il m'a donné. Sauf que quand j'ai sorti, je l'ai suivi parce qu'en réalité, je voulais mon Gémeaux. Je voulais savoir ce qui se passait. Je l'ai suivi jusqu'ici. Puis là, ben c'est ça, là. Et voilà, on se retrouve là. Un piège de renard, là. Hein? À ours. Ça, là, je te reconnais, là. C'est que c'est toi. Mais c'est super le fun que tu sois venu nous voir. C'est quoi ton plan de match à moyen terme, mais pour que tu trouves une place dans la société? Puis ta capacité, c'est d'avoir la cute quand il y a des pièges. Ouais, ben là, c'est ça, je suis à Montréal, fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être aller coucher. On va te trouver de quoi? Il y a de la place au musée. Il y a de la place au musée. Nous, on est au Marriott, si tu veux. Ok, ben je vais aller au musée. Le musée d'Absurdo, hein. Là, moi, j'ai pris du neige sur la corde à linge, là, sur des cordes à linge. J'ai pris un vieux costume de Spider-Man dans les bas-fonds de TVA. OK. Pour passer inaperçu. Là, il faut que je m'en aille parce que Kevin et sa gang s'en viennent me chercher. OK. Mais je vais me déguiser en Spider-Man si ça ne te dérange pas, juste que tu m'aides. Oui, il y a personne qui est contre. Je pense que c'est correct. Ouais, ben, pendant que tu fais ça, je sais pas ce qui se passe. À chaque lundi, on ne comprend pas nécessairement plus. Il paraît qu'il y a besoin de ton aide. Oui. Pour se transformer en Spider-Man. Ouais, non, mais tout me va. Est-ce que t'as déjà vu la gang de Télémétropole? Mais quand ça s'appelait de même, j'étais pas là. Hein. À un moment donné, Pelado l'a acheté à cause du sexe, du sang, pis du... Rock'n'Roll! Ils sont bien Lui, il a rien inventé vraiment, mais c'est encore la récence. Il essaie d'en mettre un peu partout. Tu te rappelles quand Mario Dumont, c'était la voix qui était pour redresser le Québec? Comment ça va, ce dossier-là? Coussi, coussa. OK. Hey, t'as un six-pack à 40 ans, d'où? Ce que c'est d'être sous-alimenté, hein? Là, tu veux que je t'aide, c'est quoi? Ah, il faut que je te zippe en arrière. C'est la chose la plus virile que je vais faire de la soirée, là. Truc de ouf. Est-ce que t'es confortable avec ta masculinité, Tommy? Oh, moi, je suis très confortable avec ma masculinité, là. Je suis en compétition avec personne à ce niveau-là. Parle, Bruno. Ouais, fait que, donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un costume. C'est vraiment pas beau, par exemple, pour vrai. Ouais, c'est quand même beau. C'est comme sublime. Oublie pas qu'il l'a pris à TVA. Ça, c'est-tu le. Ah, c'est ça. Fait que c'est le Spider-Man. C'est ça, c'est le Spider-Man de Christian Bégin, ça. Hein? C'est ça? Ouais, j'ai trouvé ça. Quand je suis sorti, il y a un couloir, j'ai tourné, il y avait plein de costumes, puis il y avait celui-là. Puis je pense que c'était peut-être les démons du midi ou quelque chose de. Ah! Fait que le costume de Spider-Man de Gilles Latulippe, en fait. Fait que c'était un piège de... C'était un esti de piège de renard à ours. Et voilà. Merci. Merci, Tiki la Lune, mesdames et messieurs. On a eu le Origin Story, j'adore ça. Le Origin Story de Tiki la Lune slash Spider-Man. Ça arrive juste à 70%, ces affaires-là. Ouais. Ben, c'est fait mort par un gémeau radioactif quand il était jeune. Hey, je suis un petit peu fatigué, j'ai beaucoup d'émotions. J'aurais besoin d'un shooter, Valérie. J'aimerais ça avoir un calvados, s'il te plaît. On passe au prochain. Hein? Bravo, bravo, bravo. Qui veut la job à tous les Québécois? Si mon cul sonnait, si mon cul sonnait, bravo. Si mon cul sonnait. Il y a de moins en moins de moyens ici, ça fait plaisir. La religion. Qui aurait pu croire que moi, Simon Cuissonnet, aurait pu un jour succomber au charme délectable de la croyance, du réconfort de mettre ma destinée dans les mains d'une entité que personne n'a jamais vue et des rendez-vous dominicaux lors desquels je donne sans compter en remplissant le trou du culte. Et en ces temps troublés, mes frères et sœurs, où les rappeurs regardent les éclipses sans lunettes, et où l'idéologie nazie et les théories de la Terre plate font un retour aussi espéré que celui de la chicane, je dis oui. Oui, il est définitivement bon de mettre sa foi ailleurs que dans l'être humain. Mes frères, mes sœurs, j'ai eu l'illumination le 17 juin 2017, le jour 60 de l'ère de l'an 1. De Lectularius. Lectularius est le prophète et le fondateur de ma nouvelle obédience, le punaise de l'isthme. Gratoué. Gratoué, c'est le amen. Oui, oui. Je me déshabille, on dirait. Que se passe-t-il? Oups, bon, ça fait chier. Oui, mes frères et sœurs, ce que vous appelez une malédiction est en fait un signe du destin menant vers une illumination totale de l'être. Que se passe-t-il lorsque vous trouvez des saintes punaises sous votre matelas? Oui, mais encore? Je vais vous donner la réponse. Non plus. Vous sacrez, vous assénez des tabarnak, esti, oh ben Chris, et bien d'autres borborigmes qui vous servent de sacre. Mais au lieu de geindre tel un Français en proie au système de santé québécois, pourquoi ne pas saisir la chance d'avoir été choisi par les saintes suceuses afin de perpétuer leur œuvre et ainsi accomplir la grande prophétie punaise de l'ite? Gratoué, fils, gratoué. Après tout, hommes et femmes, avides de luxure, les punaises de l'ite, c'est un peu comme les MTS. Tout le monde trouve ça dégueulasse, mais tout le monde en a sans même le savoir. Eh oui, pensez-y, quand ça gratte, c'est pas forcément les morbacs. Alors il faut laisser les choses arriver, se laisser emporter par les importantes instructions que vous apportez les saintes suceuses. Et votre vie change à jamais. Gratoué. Une fois converti aux punaises de l'isthme, à chaque matin, vous devez accomplir les trois rituels afin de devenir le meilleur punaise de l'ite possible. Au lever comme au coucher, vous faudra dire bonjour aux saintes suceuses en regardant chaque recoin de votre literie avec une sainte loupiote. La sainte loupiote. Donc vous vous mettez de même, comme ça, et vous cherchez. Oh, où est-ce qu'elles sont les petites? Bonjour. Bonjour les grelots de Tommy. Bonjour Tommy. Et vous répétez ainsi jusqu'à ce que vous les trouviez. Ensuite, il faut accomplir une méditation. Vous vous retrouverez devant votre sécheuse. La sécheuse sacrificielle qui tournera 30 minutes, pas plus, à chaleur maximum. Dedans, vous y mettrez vos draps et sacrifiez les suceuses perdues à l'intérieur, car une bonne suceuse sait qu'il faut toujours se cacher le jour. Gratoué. À tous. Nous grattons tous ici. Tu parles avec ta langue d'émotion. Je suis fier de toi, frère. Je suis fier. Et pour finir, vous faites le tour de la maison et vérifiez minutieusement chacune de vos possessions en vue d'une offrande. Une fois que vous avez trouvé un meuble peuplé des mauvaises suceuses, vous le descendez au chemin afin qu'il soit emporté. C'est tellement gratifiant de se débarrasser de ses possessions dans une société de surconsommation, vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas ? Ouais ! Gratte-toi. Gratte-toi. Après ça, vous passez votre journée, comme vous l'entendez, c'est l'un des avantages de notre... on se retrouve après. Comme vous l'entendez, donc, pourquoi ne pas organiser une petite orgie sur le thème des punaises de lit ? Pourquoi pas ? Le concept est simple. On se met à poil, on met toutes les affaires dans la sécheuse, et qu'est-ce qu'on se gratte ? Invitez aussi vos amis non-gratteux afin de leur parler des nombreux avantages de notre obédience. Pardon. Et le soir, une fois bien gratté, lorsque vous rentrez chez vous, vous reproduisez le même rituel qu'au matin, et vous vous couchez empli d'un sentiment de sérénité suprême, tu vois, genre. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de me couper pendant la chronique comme tu le fais d'habitude. Et quand la fin de semaine apparaît, vous vous rendez à la loge Punaise de Lit de Villeray, au croisement sud-ouest des rues Saint-Laurent et Saint-Denis, pour y entendre l'un de mes sermons. Vous y trouverez là-bas toutes les informations concernant l'ORSM, l'Ordre Rubicon des Suceuses de Montréal, fondé par votre serviteur. Gratte-toi. D'ailleurs, je vais profiter de la tribune qu'il m'est offerte, car... Oh, t'as pas un hymne. J'ai mieux que ça, Tommy. J'ai mieux qu'un hymne. J'ai un sermon. Oh, boy. Donc, je demande aux disciples Larocque et aux disciples Potvin de me faire un éclairage sermon... Gratte-toi. Ça vaut mieux. Peux-tu nous gratter une... Voilà, c'est bon ça, c'est parfait. Oh, j'aime ça. Est-ce que c'est possible d'être dans une cathédrale ? 1-2, bonjour. Suce un œuf. Gratte-toi. Ah. Normand gratte. Claviériste, joue donc. Lecture Larousse arriva avec ses quatre apôtres, Riri, Fifi, Loulou et Jacques-Jean. Dans l'ourlet du divin sommier tapissier Fallenkrug d'Ikea, le jour 1 de l'an 1 de Lecture Larousse. Après son long voyage en provenance d'une banquette salle du café L'Escalier situé à Béré-Ucam, il se tourna vers ses disciples et dit « Allez sucer, mes frères !» Et faites de cette literie la terre promise où naîtront nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants, les enfants des enfants des enfants de nos enfants. Gratte-toi. Généralement, pendant le sermon, tu grattes un voisin. Donc, gratte-toi. Merci. C'est la chose que j'aime le plus dans ta nouvelle religion. Riri, Fifi, Loulou et Jacques-Jean s'exécutèrent et allèrent sucer gaiement, profitant de l'ivresse procurée par l'hémoglobine pour se féconder les uns les autres et donner naissance à une longue lignée de punaises consanguinoïdes tels les fondateurs de la ville d'Alma. Gratte-toi. Et ils virent que c'était bon. Une fois fait, Riri, Fifi, Loulou et Jacques-Jean allèrent voir Lecture Larousse afin qu'ils puissent leur transmettre leurs dernières instructions. Mes amis, je meurs d'avoir trop sucé. Aussi vais-je vous transmettre mes commandements afin que ma parole puisse parcourir toutes les couvertes de ce monde. Gratte-toi. De ses pattes agiles, il donna à ses apôtres des tablettes faites en miettes de pain sur lesquelles étaient gravés les 6 commandements d'une bonne punaise. La nuit, tu avaleras plaquette. Le jour, tu chercheras cachette. Tu suceras toujours... mais jamais en vain, le dos, les cuisses et surtout les mains. Tu fuiras les flammes de la sécheuse et les glaces du congélateur. Qui sonne l'Armageddon pour tes frères et sœurs. Tu ne laisseras pas séduire par les poudres répandues par l'exterminateur du malin, car elles terrasseront ta famille, tes proches et tes voisins. Tu ne convoiteras pas la piqûre de ton prochain. Il y a suffisamment de place sur le corps humain. Et enfin, dans les dreadlocks des granolas, tu voyageras aussi loin et aussi longtemps que tu pourras. Allez maintenant et tais-toi en paix. Et Lectularius s'éteignit dans un long soupir flatulent. Gratoué. Gratoué. Et maintenant, mes frères et sœurs, toujours en quête de faire la promotion du punaise de l'isthme, je vais demander au nouveau rabbin s'il serait... Oui. Will you be interested to make the promotion, you know, of the église, of the church? Moi, je suis très lit avec les punaises. Je suis Brett Scorpion et Normand Gratuit. Oh! So, will you have a baptism, you know? Like the French Cabs Gabarre Stigar, you know? Oui. Oh! Gratuit! Gratuit! Prenez la chaise sacrée baptisielle de Sicile ici. Et... Scorpion, tu t'assois ici et tu peux faire attention. Est-ce que toi t'es en train de moquer? Non, pas. je suis langue émotionnelle. Quand je suis émotionnel, je parle français avec accent anglophone. Accent Copenhague. Oh, excuse-moi. He's from Copenhague. Cool. Dis donc. Bref. Do you want me to speak like the English, you know? Non, le français. Et ça marche c'est aussi. Juste, c'est ma très bien. Première langue. Je possède ici des magnifiques suceuses sacrées. Chouette. Es-tu prêt à offrir ton sang aux saintes suceuses? J'ai hâte. Ok. Es-tu prêt à délaisser amis, possessions et groupes de rap, nouveau groupe de rap, sur le nouveau chemin et vivre pleinement ton nouveau destin? Non. Ok. Vas-tu vivre dans un lieu tempéré, ni chaud ni froid? Ainsi soit-il, gratte-toi! Alléluia! Pardon, gratte-toi! On se retrouve samedi pour ma prestation. Gratte-toi à tous! Je suis plein de sésame. On va espérer que c'est ça. Wow, c'est quoi qui vient d'arriver? Il y a une nouvelle religion. Viens rasseoir, Scorpion. Hey, c'est vraiment un 70% chargé. Ça faisait longtemps que je m'étais vraiment pas récent. Donné des coups de tête sur quelque chose. Ah non, mais ça fait longtemps que je fais ça. Je me rappelle, j'avais 6 ans puis je me donnais des coups de tête sur des affaires parce que j'avais l'impression que ça me donnait un buzz. Et puis, gars, tu touches, tu vas voir, j'ai comme une bosse que les gens n'ont pas, là. Une corne? Ouais, c'est ça, c'est... c'est parles-tu de la bosse que tu t'es faite tantôt en te fessant à terre? Là? Ouais, ouais, ben, non, ça. Non, mais non, je l'ai, dans le temps du dragon, je me donnais des coups de tête dans le mur souvent, là. Une bosse, t'avais souvent une bosse. C'est mon arme secrète. Le fait que je fasse 5 et 10, ça m'aide beaucoup avec ça. Sinon, on est à 70%. Faut pas oublier, on va aller parler avec notre ami l'artiste Pascal là-bas qui est Pacou, ça va? Ça va bien, yes. Samy, ça va? T'es en train de nous faire quoi? Un T-Rex qui renifle des fleurs alors que la comète destructrice arrive. J'ai appelé ça la fatalité. Et ça va être vendu à l'enquête tantôt. Toi, tu fais partie de... Sucrose Collective. C'est ça, je l'ai dit tantôt plein de fois. Merci beaucoup, Pascal de Sucrose Collective, notre artiste pour la soirée. Ça avance bien. On arrive à la prestation du nouveau rapper. J'aimerais vous recommander ce soir public. Si j'avais le choix d'avoir un public dans les shows que je vais faire dans le futur, là, c'est vous autres que je prendrais. Vous avez été smart, vous avez été cool, vous avez écouté. C'est sublime. Merci. Vous pouvez vous applaudir. C'est le temps. Bravo. Sinon, est-ce qu'on arrive à la fin, s'il vous plaît, messieurs les techniciens? Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Explosion. Ça vient? Oui. OK, là, c'est le dossier Eclipse. On est sur le dossier Eclipse, oui, effectivement, alors qu'il se fait enlever les punaises de lit de la tête. Oui, le gars de Gratois. Il y a un verbe, c'est s'épouer. Hein. C'est punaisé, oui. C'est quoi son nom? Simon Cuchonnet. OK. C'est un trou du cul. As-tu des noix plein la tête? J'ai des noix plein la tête. Non, mais non. Let's go, Bruno. Ça qui arrive quand on dit oui. Joscan Feliciano Rosado venait de voler une voiture, mais voulait quand même regarder l'éclipse. L'homme de 22 ans s'est alors dirigé vers une quincaillerie où il a acheté un masque de soudeur et s'est installé dans le stationnement afin de regarder l'événement céleste. Rosado n'a jamais vu la police arriver derrière lui, alors qu'il était ébahi par la beauté astrale. Il a été arrêté pour vol qualifié. Pis là, c'est la première, fait qu'on sait que les autres, c'est pire. Il y en reste une, là, parce que c'est ça. Avec une pénurie de lunettes de protection pour regarder l'éclipse, quelques Californiens ont décidé de recourir à des moyens créatifs afin de la regarder. Il semblerait en effet que plusieurs patients se soient présentés à l'hôpital lundi dernier afin de traiter des blessures causées par l'application de crème solaire directement dans les yeux. Oh, tabarnak! On ne craint pas pour leur vie. Merci Bruno. Bruno Bravo. Corbin, mesdames, Bravo. Messieurs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je pense que ça nous amène à la fin de 70%. Vous avez parlé du Bandcamp du nouveau rapper. Si on veut vous écouter en fin de semaine, parce que Pascal puis François, on va se voir au FME. Oui, exactement. C'est quand même assez capoté, ça. C'est sûr qu'on va aller crasher votre show. Ça commence à 6h à CFME. À 6h du jeudi au dimanche, c'est on prend toujours un FME pour la vie. Donc, c'est ça. C'est nouveau, hein? C'est très récent, mais en fait, c'est pas encore arrivé, mais quand ça va arriver, ça va être nouveau. Il n'y a rien de plus récent que ça, les affaires qui sont pas encore arrivées. Là. Ben quoi, nous autres, on s'appelle 70%. Non, mais c'était à réfléchir. On s'appelle 70%, puis ouais. Il va y avoir un 70% ici lundi prochain, pareil. C'est vrai. C'est capoté, ça. On est beaucoup d'amis dans 70%. On est moins récent, mais... plus nouveau. Peut-être d'autres. Arrête, là! C'est plein de concepts vraiment compliqués. Moi, il est vraiment temps que je lâche le micro. On est à nouveau, là. Okay. Merci beaucoup à tous les techniciens. Merci à Pascal, on va vendre son œuvre tantôt. Merci Bruno, on s'en va faire un tour dans le parc, ça va être capoté. Merci Mathieu Boudreau va venir. Merci à tout le monde, merci surtout au nouveau rapper, le nouveau rapper qui va nous faire une performance dans quelques instants. C'est le moment d'applaudir le quand le temps qu'on tasse les affaires. Merci beaucoup. Merci. Performance récente. Vraiment. Donc, bonjour, je suis Dragnet à 70%, pas plus. T'es sorti en ville, pis t'as mal à vie. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Ton char part plus, t'es parqué dans la rue. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Tu bois de la caféine, pis t'es pas hypé. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. T'es pogné dans le trafic, pis ça te pique. Pogne un pack de pills, pis t'es happy. Mais qu'est-ce qu'on mange au souper? Des patates pilées, pis des pilons de poulet. Des pilons de poulet, pis des patates pilées. Des patates pilées, pis des pilons de poulet. Dis-moi, qu'est-ce qu'on mange sandwich pour souper. Patates pilées, des pilons de poulet, des pilons de poulet, des patates pilées, pilons de poulet, des patates pilées. Deux pilules, deux pilules, deux pilules, quatre pilules, cinq pilules, sept pilules, six pilules, dix pilules. Tu peux faire la fête, t'as mal à la tête. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Tu te demandes si t'es fif, t'es dépressif. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. T'as fait un adultère, t'aurais dû le faire. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Toute ta famille s'est fait kill. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Pogne un pack de pire, pis t'es happy. Elevate ma drill, pis j'suis ready. On dirait des débiles, mais j'suis happy. Mais j'ai le goût de pire, le gros yuppie. Ma cible est beau, pis j'suis soupé. Entouré d'un gros, fait que j'suis soupé. Sur la plage en maillot, fait que tu t'épiles. Tu manges des pétitons, fait que tu t'épiles. Tu penses qu'ils sont bons pourquoi les pingouins de Pillsbury pis le bonhomme Pillsbury? Hein? Hein? Tu penses qu'ils sont bons pourquoi? Hein? Tu penses qu'ils sont bons pourquoi les pingouins de Pillsbury pis le bonhomme Pillsbury? Hein? Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Pogne un pack de pire pis t'es happy. Bacon bitches blow job. Bacon bitches blow job. Bacon bitches blow job. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. Yo, Brett Scorpion, nouveau rappeur, go. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. C'est ma respect. Oui, mon petit gars, laisse-toi pas avoir. Par une riche veuve qui veut te pogner tous tes avoirs. Comme des jardins, j'conjure d'avoir. Et hey, fait que si j'ai plus d'avoir. T'as plus de raison d'être un être. On y va pour les femmes, un coup de boule. Les meufs tassent la frime au grand jour. Le pipi sur la maman de Cobra. L'épitaphe puis la mort du chakra. L'argent, le piston, la caillasse. Les femmes, les fentes, les fatmas. L'oseille, la pépette, le pognon. Les greluches, les poulets, les égaux. C'est mon respect. C'est mon respect. C'est mon respect. J'pleure au soleil, bouscot ta sanglota. Complet, rockerio, puis j'en m'adjure. Put your beef, put your knee for the hungry man. You need business of pussy and funny man. Hot dog, chocolate, paper, then salty balls. Getting AIDS from your gays and Mardi Gras. Yo, now's the time to let it all out. You with me? I said, are you with me? Come out. This good. This Let's go! Fuck your sweater! Fuck you! Fuck Microsoft Word! Fuck PowerPoint! Fuck Microsoft Excel! Fuck you! Mesdames et messieurs, tout droit venu du Lion d'Or, voici le nouveau rappeur. On va commencer avec une chanson que vous connaissez tous. Elle a été enregistrée à Compton il y a 28 ans. Chantez avec nous. Barbie's resto bar grill. Quelle ambiance, quelle festin, quelle ambiance. Barbie's resto bar grill. Ah ah ah. Barbie's. Notre plus grand succès. Barbie's, c'est nouveau. Yo. Yo. À chaque fois qu'on va à des places, il y a de la restauration. Quand on regarde un bar, quand on regarde de l'autre, il y a tout le temps des restaurants. La vie 24 heures sur 24, c'est de la restauration. 24 heures sur 24, c'est de la consommation. 24 heures sur 24, c'est de la consommation. Restauration! Restauration! Restauration! Restaurant! Restaurant! J'ai la bouche saliveuse, y'a plein d'affiches lumineuses. Je commande un chiche, dérange le gars. Ça part un spliff, ça paraît pas. Ça part rapport, y'a pas tomate. Fuck that, va aller prendre un Big Mac ou un mac and cheese. Bon appétit, y'a un gars qui coupe la viande en cubes. L'autre roule du saumon en tube. What up? Menu enfant, yogourt en tube. Et tu sens poudre, 5 étoiles. Filet de foie gras, émental. Y'a trop de choix, je vais faire quoi? Je vais m'asseoir à une table, attendre un service acceptable. Soucoupe, tasse, assiette, couteau, fourchette, manque la cuillère. Puriliste, robot, culinaire. C'est un documentaire, style Charles Dissert. Restaurateur. Restaurateur. Restaurateur. Restaurant. C'est de la restauration. Restaurant. 24 heures sur 24, c'est de la restauration. C'est de la consommation, c'est de la restauration. 24 heures sur 24, c'est de la restauration. C'est de la consommation, c'est de la restauration. 24 heures sur 24, c'est de la restauration. C'est de la restauration. 24 heures sur 24, c'est de la restauration. C'est de la consommation, c'est de la restauration. Dans l'emmerde est horrible, au bout de la palissade, je rentre dans l'habitat. Appuie sur la pédale, si tu coupes, je te couperai. T'attaques avec un coup près. La fin de l'homme est une fin en soi. Amen. Oh, y'a pas que les mecs qui nous crèvent. Dans la vie, soit tu deals ou tu fais jet. Bande de chiens qui nous gouvernent et qui nous baissent. Ils ont les banquets, on a les restes. Et ils vont faire copier leur code alimentaire. Comme si un demandait besoin de se gaver de pain. Comme si les gosses devaient boire 4 verres de lait. C'était encore normal ici d'assassiner les bêtes. Quand l'humain arrêtera de vivre pour manger, les grandes révolutions pourront s'avancer. Moi, quand je vais au restaurant, on sait que je suis affamé. Et là, je restaurerai des malfamés. Je tue tous les bacon, même à 5h du matin. Puis à l'entrée, un spaghetti au gratin. Longue vie au fameux, puis c'est serveuse bête. S'il n'y a pas encore 3h, ben qu'elle me serve une pinte. C'est de la restauration, c'est de la consommation. Si j'ai rien consommé, il me laisse pas me restaurer. C'est de l'acquisition, c'est de la digestion. Si j'ai rien acheté, il me laisse pas aller pisser. Restaurant. Restauration. Restaurant. Ballon, ballon, ballon, ballon. Yo. Ballon, ballon, ballon, ballon. Salut. Woo. Mon sandwich. Tout le monde veut mon sandwich. Tout le monde veut mon sandwich. Tout le monde veut mon sandwich. Mon sandwich, c'est plus valable. J'ai mis de la salade. Y'a aussi de la marmelade. Mélange printanier, des légumes de mon panier bio. Du poulet pané, du porc effiloché. Du bœuf de première qualité, tranché mince. Je me suis lavé les mains, pas j'ai pas de pince. Pain de sec grillé à point. Pogne ben d'une main, y'a des pousses, du saumon en mousse, le bacon cuir trousse. Tous les ingrédients sont au bon endroit. J'ai une maîtrise en sandwich. Pour un bac en droit. Tout le monde veut mon sandwich, mon gars. Sandwich, et du caramel. Puis du maple spread. Sandwich au caramel. Strip berette. Aladdin, Séraphin, Gargamel. Tout le monde aime le caramel. Tout le monde aime le caramel. Le pain de l'homme, c'est la vérité frugale. Le désir de monter qui t'a fini sous l'épitaphe. La moutarde, c'est l'ambition, on la veut forte. Histoire de casser les couilles à tous les potes. Le sang coule et des hommes vont souffrir. On a du ketchup sur les mains tellement on mange trop vite. Toutes les tranches d'oignons rehaussent le goût de cette mer. Et tous les cornichons marient de goût de poubelle. Bref, est-ce que le capricole symbole du vice? Culture d'abattement de bétail, origine de sadique. La dernière. Du mal que tu nous as tendu, nous on se garde la chair tout en joie. pour les incrédules. Le pain fait bon ménage avec le petit beurre à l'ail. J'abaisse le voisinage avec mon jambon halal. J'ajoute mon jardinage avec un petit peu de voleur. Puis je finis le carnage avec une arme de Montréal. En deux pains, tu pourrais mettre quelque chose. En deux pains, tu pourrais bourrer le cul. En deux pains, tu pourrais mettre quelque chose. En deux pains, tu pourrais bourrer le cul. Wouh! Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà à l'aise? Donner des tabarnaks de laptop à des immigrants. Bisous. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà allés sur le boulevard Rabatant? Ouais. À Marseille! À Marseille ou quoi? Hein? Ça prend? Fais chaud à Marseille. We're gonna dance with the feel light. Alright. Dance. Everything's gonna be alright. Debout, debout, debout, debout. Ok, go! Debout sur les tables! Boulevard Rabatant, pas de hasard. J'arrive par bateau, les meufs par quatre. Les soldats, les bras pour les Spartiens. Les potes qui baissent dans le haut, on emmerde la peau pour tête de cochon de merde avec le couteau. Débloqué dans les gardes de poulet cuites avec la sauce des frites. Je suis pas plus grand que le bout de ton fusil. C'est international! Progrès! International! Paris! International! New York! International! Tokyo! International! Chantonguier! Tonight, we're gonna dance with the feel of light. Everything's gonna be alright. It's gonna be love at first sight. It's gonna be the best of nights. Salut, je suis là, dans place, à Gadou. J'ai des pitoutes sur mon 4 roupies, des pitoutes sur mon skidou. Touche mon duvet, il est doux comme un pitou de chez mon doux. J'ai privé vers 4 mandous pour chill dans ce pas à Mamadou. C'est un mot comme un tête doux sur des pitoutes dans mon skidou. Salon VIP avec mes amis. J'ai grandi à Paris avec la vie nocturne. Tes mouvements m'allument, mes yeux tombent et vêtus. Que veux-tu ce soir? Je suis le génie qui te frotte le cul. Le génie qui te frotte le cul. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Tonight, we're gonna dance with the feel of light. Alright. Everything's gonna be alright. Alright. It's gonna be love at first sight. First sight. Everything's gonna be alright. Alright, alright, alright, alright. Tonight we fight for love. Je suis le génie. Je suis le génie. Alors on lève ton vent ou quoi, putain, mon gars? Je suis le génie. C'est chaud, c'est chaud. Je suis le génie. Je suis le génie. We're gonna dance with the feel of light. Everything's gonna be alright. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Je suis le génie. Merci. C'est chaud, Montréal, hein? Ouais, c'est chaud que Marseille. Ok, il y a ceux qui ont pris un bain ici. Tout le monde se baigne. On connaît du monde comme ça, les bains ici. Ouais. Yeah. Tous pour un bain, moi je suis bien content. Tous pour un bain, moi je suis bien constant. Money shampoing, rap récent. Fuck les cartes, moi je suis bien content. Money rap, rap récent. Salade froide, Mario Jean. Nouveau rap, très confiant. Salade froide, Mario Jean. Pain, surgit un pain sur pattes. Ben en fait j'en ai deux, un lait un mieux, un lait un vieux. Deux qui poussent efficace pour la crasse. Un pour geler, pas de glace avec un splash de gin pis un tronçon d'arbre. Des pinettes, step in, step bête. Si t'es fine, c'est pas prête dans ma baignoire, check. J'ai même un baignoire, ben champagne. Bottle de champagne en pleine campagne. On se baigne avec une gang de beignes pis Carmen Champagne. Bottle champagne en pleine campagne pis j'gang bang Carmen Campagne. tous pour un bain pour tous. Tous pour un bain plein de mousse. Tous pour un bain pour tous. Tous pour un bain plein de mousse. Tous pour un bain pour tous. Tous pour un bain plein de mousse. Tous pour un bain pour tous. Tous pour un bain plein de mousse. Je sais bien dans mon bain, Manito bain, j'y trempe des bobins pis des chérubins. Que tu sois un rabbin ou un maghrébin, que ton nom soit Robin ou ben Jacobin. Tout le monde est bienvenu dans mon bain urbain, surtout mon beau cubain qui est mon concubin. À chaque fois qu'il m'appelle, c'est un interurbain. Vive le rouge et or pis fuck les carabins. Tous pour un bain, un bain pour tous. Tous pour un bain plein de mousse. Juste descendre. Quand t'es en bas, tu peux juste monter. Et quand t'es dans le milieu, tu peux faire les deux. Le milieu de l'escalier, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Monte les marches, deux par deux. Drop les quatre par quatre à quatre pattes. Puis tu slides ça, puis là, tu te pètes la face. Si le monde descend dans le monde stressant. Si ton bain donc glissant et récent. Step by step, ooh baby. No up and down, me rend crazy. Daily, j'm'occupais de ma lady. Moi j'étais Bowser, elle c'était ma Daisy. Pas de rampe d'accès pour le Dairy Queen. Demi-sous-sol, c'est un in-between. Grimpe les marches, bombe ses tétines. Monte en bas, brûle tes vitamines. On part en porte à vue d'oiseau sur le Miami. Les paysans survolés en delta plane. Dans les nuages, l'ambitue suit son cours. Mais chaque étoile est une marche vers le grand jour. Ici, les gosses de jeu Asmuk, Numbo, Rapsa, Sklum. Et les chiens jambes quand tu remontes la manche. Woo, woo. Le visage des trucs comme Michel Courte manche. Monte, descend. Hey. Ouf, hein. Truc de ouf comme ça, c'est hein! Bon, oh. Oh, putain, hein! Merci. On aimerait remercier! Un gros dédicace à Sam, merci, hein! Mon waiter favori! Notre DJ pour ce soir, le nouveau DJ! NMJ! Malheureusement, le nouveau DJ est décédé, donc nous avons décidé de remplacer par le nouveau DJ. Merci. Il est récemment mort, donc on a récemment un nouveau DJ. Exactement. Donc, faut faire avec la récence des nouvelles. Donc, c'est fraîchement arrivé dans notre face. On n'a pas le choix de faire avec. On allez, s'excuse. Putain, pour Marseille! C'est encore lourd. Oh, oh, yeah! Hop, hop, hop. Soleil. Dans le cake on était là, dans le cake on était là. Le monde calculait pas, mais c'était spectaculaire. Tellement c'était gras, Crisco à la cuillère. Poil le cul dans bière pour écrire une histoire culinaire avec un menu vicieux. Cuisse dans cuisinière, rien à faire des coulis graisseux. Chez galeux, liche les babines baveuses. Elle spin sa machine à laveuse. C'est qui la chanceuse? La chanceuse. Oh non, c'est qui la chanceuse? La chanceuse. Oh, oh, salut. Chien galeux. Chien galeux. chez Galeux. Chez Galeux. C'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, ah ah ah, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, ah ah ah. 1, 2, 3 pour les chiens galants, mais c'est 4, 5, 6 pour les mecs galants, tenue de gala, élégante, allure de prince, imposante. C'est pour les archevêques, papier parchemin, les parvenus et les parcomètes. Un parc à chien avec les excréments, les ragots, les mensonges et les excréments. Abdoullah, Bédoussa, Habib et Pascal, Satanji, tu le dis avec Nico et papa. Tcha, tcha, Independenza, soleil qui plombe, cœur à Manela. Avec mon bro, on est back to Mexico, à la recherche de paradis tropicaux. Manger des tacos à la sauce aux abricots. Fuck la coco, on veut juste des asticots. Le gros Chico est devenu notre amigo. On a eu des livres jusque dans deux bouchons. Chez Galeux. Chez Galeux. Ah ah ah. Chez Galeux. Chez Galeux. C'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, ah ah ah, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, c'est pour les chiens galeux, ah ah ah. Les pitchous, les bisous, les étoiles de demain m'appellent, une petite niche dans ma cour. Mon ami Cédric m'attend. Mon ami Cédric m'attend. Bouc-cop, bouc-cop, plaisir, plage. Chien galeux, chien galeux. Tourne le sol, avanceux. Chien galeux, chien galeux. Pommettes sont flasheux. Chien galeux, chien galeux. Dépassé en pile. Chien galeux. Pogne un pack de pills. Pills. Chien galeux. Chien galeux. Chien galeux! Chien galeux! C'est pour les chiens galeux! C'est pour les chiens galeux! C'est pour les chiens galeux! Ah ah ah! C'est pour les chiens galeux! C'est pour les chiens galeux! C'est pour les chiens galeux! Ah ah ah! Galeux! Alors on va faire une petite dernière pour Paname! Paname! Merci Paname! Merci! Alors, pour tous ceux qui ont des tontons d'hommes, ça va être le moment de se lever. Ouais. Car celle-ci, pour tous ceux qui ont des tontons d'hommes, ouais, parce que les tontons des seins d'hommes, ouais, ouais. Ah, ah, yeah, yeah. Ah, oh, yeah. Tontons d'hommes, si tu peux être mère, tontons d'hommes. Denis Coderre, tontons d'hommes. Gisela Bond, tontons d'hommes. Pas besoin d'être mère, tontons d'hommes. Si tu veux être mère, tontons d'hommes. Denis Coderre, tontons d'hommes. C'est la bombe, t'as ton dôme. Pas besoin de brassière, t'as ton dôme. Si tu veux être mère, t'as ton dôme. Denis Coderre, t'as ton dôme. Régis la bombe, t'as ton dôme. Alors, tous ceux qui ont des tontons d'hommes dans leur place, on se lève ou quoi? On va faire ça ensemble. Ok, vous êtes prêts? Moi, j'en ai. Jig, jig, get ready. T'as ton dôme, moi, tu sais, t'as ton dôme. T'as ton dôme, moi, tu sais, t'as ton dôme. Pas besoin d'être gros pour avoir des tontons d'hommes. T'as ton dôme, t'as ton dôme, moi, tu sais, t'as ton dôme. T'as ton dôme, t'as ton dôme. Pas besoin d'être gros pour avoir des tontons d'hommes. Toujours actif, jamais passif, le regard vif. Les jonquilles et le bonheur triste. Les mamelles m'appellent dans la broussaille. Oui, et le poulet de Cornouaille. M'appelle Condon Bleu, j'ai des tontons d'hommes. Les condons pleuvent et la vie m'étonne. Et le condon je j'ai des tontons d'hommes. Les condons pleuvent et la vie m'étonne. Fille, si t'apprécies les tontons d'hommes, viens me voir et joue de mon trombone. Oui. Mais t'es tellement bête au col, drôle de vie quand t'es Kevin Spacey, tonton d'homme. Lève ta main si t'as des tontons. Prends ton bain si t'as des tontons. Prends ton bien si t'as des tontons. Si t'as des tontons. Fille, pour le bibo, rase tes nipples. Les filles giggles, pimes et sous Google. Image. Get jiggy. Check ta graisse comme si t'étais une grosse conne. Tonton d'homme, moi tu t'es tonton d'homme. Tonton d'homme, moi tu t'es tonton d'homme. Pas besoin d'être gros pour avoir des tontons d'homme. Tonton d'homme. Tonton d'homme, c'est tonton d'homme. Pas besoin d'être gros pour avoir des tontons d'homme. Tonton d'homme. Top fini d'homme, donné t'as ton dôme, t'as un pack de drum, t'as ton caisse de drum, carte aux pommes, Bernard de rhum, trop de sodium dans tes tatons d'homme, t'es ton propre chum, t'as tes tatons d'homme, à l'intercom, tu casses ton agent d'homme, cause brûlée, tu manges la gomme, très tôt en somme, t'as des tatons d'homme, si tu veux être mère, t'as ton dôme. Denis Coderre, t'as ton dôme. Régis Labeaume, t'as ton dôme. Gros con, t'as ton dôme. T'as ton dôme, ma tu t'as ton dôme. T'as ton dôme, ma tu t'as ton dôme. Pas besoin d'être gros pour avoir des t'as ton dôme. T'as ton dôme, t'as ton dôme, ma tu t'as ton dôme. T'as ton dôme, ma tu t'as ton dôme. Pas besoin d'être gros pour avoir des t'as ton dôme. T'as ton dôme. Alors voilà, la réunion du rap présent pour vous ce soir, le nouveau DJ MMJ the Spin, directement de Copenhague, Brett Scorpion. Le nouveau rappeur alias Nicolas. Nicolas. Yeah. Le célèbre motocycliste Ramon Lebrun. Avec un gros B. Et l'ancien DJ. Ouais. Sop moi. Et moi-même, Cordon Bleu, je retourne ce soir vers Marseille. Venez me voir, un petit bonjour pour la France. On est très contents d'être venus ici à chaque fois. C'est merci pour vous. Bravo. Yeah. Chaud récent. Merci de nous accueillir. Hey, vous donnez des tabarnaks de laptop à des immigrants. Mesdames et messieurs, c'était le nouveau rapper, s'il vous plaît. Je suis euphémismement sous le choc. Ça a été fabuleux. Je vous souhaite félicité et une descendance pleine et glorieuse. On va se revoir au FME, Pascal, le nouveau rapper, et Ramon. On a accusé ça, vient de brosser, Chris. Je t'aime, maman. Est-ce que vous savez que Jennifer Lawrence a déménagé dernièrement? Non, en fait, on est rendu au moment de la soirée où on a terminé 70% pour de bon. Et on passe au projectile et à notre ami VJ de la soirée. Ce soir, c'est Mathieu Boudreau. Ouais! J'en ai parlé tantôt. Mathieu, c'est un pervers fini. Et il va utiliser ses outils pour aller fouiller dans ton cerveau. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu? C'est ça. En fait, plus je parle, moins il y a de Mathieu. Donc, merci d'être là. On se reparle dans une couple de minutes pour le long métrage avec Jean-Claude Van Damme en boxeur qui fait la split. Il n'y a rien qui dépasse. Ça veut pas dire qu'il n'a une titre. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le pénis bandé et le pénis flasque. Ça a été prouvé. Merci beaucoup, Tommy. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que, ben, soignez-vous tranquillement. Poignez-vous une bière. Puis, ben, c'est ça, ça commence là, là. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Laurigné. Chaque semaine, un film louche. Un humoriste de la relève. L'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Vous savez que moi, j'ai punché out pour 8 jours il y a quelques heures. Tout le monde t'a entendu, Jimbo. Merci. Jimbo, mesdames, messieurs, à la cloche à vache! Je pense que j'ai mis au clair que tout le monde est informé. C'est la première fois qu'on me laisse prendre un micro et que je suis aussi saoul. De mémoire. Et ce soir, on va écouter l'excellent film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Le flic du temps. Et Jean-Claude Van Damme, il y a trois films à lui dans lesquels il se rencontre. Et il y a une fois que c'est son frère jumeau qui a perdu depuis longtemps. La deuxième fois que c'est un clone d'un tueur qui veut le tuer, pis tout, pis là, il faut te cloner parce que t'es jeune, pis pénis dans la gorge, fait que c'est le réplicant. Et il y a l'autre fois, c'est le film de ce soir, c'est à cause du voyage dans le temps. Parce que si t'es méchant, et d'ailleurs, Stephen Hawking, tout le monde sait c'est qui, hein? Je vais l'imiter un petit peu. C'est un des plus géniaux astrophysiciens de la vie, vous le connaissez. OK, c'est bon. Et ce gars-là a dit que la preuve que le voyage dans le temps n'existait pas, c'est le fait qu'on n'a jamais rencontré de police du temps. Hey, moi, je suis une police. Mais dans le film... Ouais, ça... C'est comme un ninja, en fait. C'est le complexe du ninja. Tu peux pas rencontrer un ninja. Et d'ailleurs, on vend quelques VHS. Pour l'enquête ce soir, on a 5 VHS pour enfants. Calice. Là, il y a comme un dessin animé, Le Masque. Sacrément! Il y a aucun Jim Carrey là-dedans, je te jure. Il y a le... Ah, calvaire. Moi, un Ranma et demi de Breaking Point. Si vous voulez enseigner à votre enfant quelque chose. On a aussi d'autres VHS. Je veux du cash, Calis. Je veux finir de parler du film avec Jean-Claude Van Damme. JCVD. On fait un encan. Voyons, c'est... Je suis vraiment sous, là. OK, on me dit 50 sous. 2 piastres là-bas, merci. Là, tu me donnes de l'argent canadien avec une madame dépétrie dessus, puis moi, je te donne des petites niaiseries. Là. 3 $, merci, tu sais ce qu'on prend. C'est ça, en tout cas, moi, je pars en vacances demain, 3 $ une fois. 3 $ 2 fois. 4 et 10. 5 $ une fois. 5 $ pour de vrai une fois. 5 $ pour de vrai 2 fois. 5 $ pour de vrai. Qu'est-ce que tu fais avec tous les cadeaux que tu nous achètes? Toi, ça n'a pas de sens. Il me fait peur. 5 $, je veux son 5 $ avec un raciste alcoolique dessus. C'est McDonald's, c'est un de nos pères fondateurs. Sinon, mais en fait, dans le film avec Jean-Claude Van Damme, qui se rencontre lui-même pour la 3e fois, c'est parce qu'il voyage dans le temps. Et dans ce film-là, quand tu touches une entité qui voyage dans le temps, qui est la même que toi, tu deviens du CGI. Tu deviens vraiment beaucoup de CGI, là. Puis ça dure longtemps, la fin du film, là. C'est vraiment bon, là. Et on a aussi 3 livres de Donjons et Dragons, 2e édition et demie. On s'en rappellera tout le monde, hein, quand on connaissait aucune fille par leur nom de famille. The Complete Fighters and Book. Ça, j'ai déjà payé 25 $ en 1992 pour ça. J'ai été déviergé à 19 ans aussi. T'as dit 1 $? Oui, j'aurais dû fermer ma gueule une phrase avant. 1 $! Pour les 3 livres de la littérature! C'est quoi les autres? 2 $! Montrez. 3 $ là-bas pour le curieux. C'est Greyhawk Adventures de James. J'ai l'impression qu'il y a comme une feuille de personnage dedans. On va peut-être pouvoir rire d'un elfe guerrier clair. Finalement, on les vend plus. Non, c'est pas vrai. 11 une fois. 12. 12 pour un plus curieux. Je pense qu'il y avait l'air troublé. En tout cas, la personne... Je suis troublé, 12. 12 une fois. 13 une fois. 15. 15? Quoi? 15 une fois. 15 deux fois. 17 une fois. 20 une fois. Ah, oh, c'est de l'argent canadien. Elle a l'air tellement malade, notre reine, là-dessus. Elle est comme toute verte, pâle. On l'aime, notre reine. Hein? 20$ une fois! 20$! Deux fois! 20$ trois fois! On décalisse! On décalisse! On décalisse! On était en train de parler de Jean-Claude Van Damme hein, avant que l'encan vienne nous briser. Là. Jean-Claude Van Damme représentait la loi et il est venu se rencontrer lui-même dans le voyage temporel. Calisse, quel Q-tip, c'est gros. Et donc, le long métrage de ce soir, c'est en fait le pinacle de Jean-Claude Van Damme. Après ça, il a fait le film avec du hockey. Puis après ça, il n'a plus jamais été au cinéma. Le film avec le hockey, c'était comme supposé le faire rebondir. Et ils l'ont mis dans le rôle du héros, qui était un nouveau John McClane, parce qu'il avait un accent francophone. Ça s'apprend pas, ça. Ah oui, oui. Oui. On va parler de l'œuvre d'art de Pacou Pascal qui nous a fait un dîner. Oui. C'est fucking hot, ça. Donc, tu peux avoir ça dans ta chambre chez vous. C'est un original sucrose fruité. Maman, je t'aime. Argent. Sucrose collective. 5$ une fois. 20$ une fois? 30! 30, OK. C'est bon, on jase. Là. 40, c'est bon. Comment? 41. 42, ah ouais, c'est ça. On est bon, merci. OK, 45. 50. En argent canadien, hein? Pas Canadian Tire, là, je veux pas. 50$! Chris, que c'est important qu'elle soit vieille et laide, notre reine, parce que pas de reine, il y aurait le chaos au Canada. 50$ une fois. 55$, toi aussi tu l'aimes. Notre Majesté. Notre Majesté. Toi et puis moi, Françoise. T'sais. Ramon, le brun. 55$ une fois. 60$. 70? J'ai-tu... 60$ une fois. 60$ deux fois. 65 une fois. 65 deux fois. 65 trois fois vendu. Non, mais, hein? 100% des bénéfices vont aller à elle. Est-ce que vous vous êtes fait fourrer? Dans le film de ce soir, Jean-Claude Van Damme va nous offrir la plus belle... Non, on s'en calisse de ça, on parle de d'autres choses. La plus belle de toutes ces splits du cinéma ou des annonces de Volkswagen, de n'importe quoi que tu as vu. Il va être en train de se battre dans sa cuisine du futur. Puis il va faire la split du futur. Le film de ce soir, c'est une œuvre d'art. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le film que les gens ont choisi sur le site. On a dit « Choisissez le film de Jean-Claude que vous voulez voir. » Et ils ont choisi celui-là. Ça commence dans le monde crédible du « Guerre de sécession », je pense. Merci, on est là chaque lundi, douteux.org. Merci à tous les bénévoles. Ça te fait bien? On s'en rejase, on va écouter une crise de dope avec des projectiles pis de la bière. Ça a besoin d'un mode d'emploi. Ça fait vraiment longtemps que j'aurais dû plus avoir de volume sur mon micro. Tu peux raconter la fois que j'ai mis un suppositoire à mon grand-père? Alors, c'est super intéressant. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Pas de joke, je commence la soirée là comme ça, puis... La première pensée que j'ai eue, c'est pour Nounours. Ouais, pas de joke. Je me suis dit que je trouvais ça dommage qu'il soit pas là ce soir, surtout qu'il était là la dernière fois, là, un petit passé. Et j'ai pensé aussi au fait que demain, j'étais pour le retrouver puis qu'on était pour faire le parc ensemble pour la première fois. Puis, oui, merci. Ça va être une expérience que je sais spirituelle. Bienvenue tout le monde, mon nom est Tommy Godette, je serai votre hôte pour cette soirée qui va se terminer sur une note sublime, l'émotion m'envahit. Ce soir, pour terminer le mois des gros bras à douteux.org, qui est le mois d'août, tu sais comme... La semaine passée, c'était Dolph Lundgren et cette semaine, c'est Jean-Claude Van Damme. On était avec les polls open, dans le sens que les gens pouvaient voter sur le film de Van Damme qu'ils voulaient voir. Et les gens ont choisi pour Le Flic du temps, et je suis très content que les gens aient choisi pour Le Flic du temps. Il y a plus de 70 personnes qui ont voté pour ce Van Damme. Et mesdames et messieurs, vous avez raison, c'est le Van Damme dans lequel il fait la plus belle de toutes ses splits sur le comptoir de la cuisine en mélamine. De toute beauté. Ça va être le long métrage qui va terminer une soirée qui va être... c'est qui déjà notre VJ à soir? Boudreau! Ouais, c'est Mathieu Boudreau, le VJ, ce soir, mesdames, messieurs. Je suis vraiment très content. Boudreau, ça fait longtemps qu'il connaît ça. Puis à toutes les fois, il déterre des affaires qui me donnent envie de lui faire mal. Et ça, c'est beau. Juste avant ça, on va avoir une prestation live de notre invité à 70%. C'est le nouveau rappeur. On est très contents de les avoir avec nous, oui. Oui, oui, j'ai entendu dire qu'il y était plusieurs hommes là-dedans. Donc, on va voir ça tantôt. Ça devrait être de toute première qualité. Et ça va être précédé d'un 70% qui va être mis en couleur par l'excellente Pascal Pacou de Sucrose Collective. On voit son début d'œuvre, ce qui prouve que je ne suis pas ce qu'ils ont... Vous le voyez? Hein, non. Oui, toi. Donc, son œuvre sera vendue à l'encan tantôt. Merci beaucoup à elle. Allez voir ça, Sucrose Collective, sur Facebook. Facebook, c'est une application. C'est gratuit. Et on va aussi avoir aucun house band ce soir. D'habitude, c'est là que je le présente. Mais sinon, mesdames et messieurs, gardez... votre plus chaude main d'applaudissement pour plus tard. Pour l'instant, s'il vous plaît, on applaudit l'excellent Sam Bergeron qui va débuter la soirée. C'est pas facile, son rôle. Ça va bien, le douteux? Ben oui! Ça va bien? Oui. Yes! Alors, ben, j'espère que ça va bien. J'espère vraiment que ça va bien parce que, non seulement, tu sais, je dis j'espère, hein, parce que je vous le demande parce que ça me concerne puis ça m'implique, mais en plus, j'ai de l'espoir. Ouais. Je suis vraiment... Non, vraiment. Puis je vais le garder tout le long du numéro. Je suis vraiment quelqu'un d'optimiste dans la vie. J'ai bon espoir qu'un jour, on va être capable d'éliminer la guerre. Puis pour fêter ça, on va manger un bon tartare de poulet. Optimiste. Hein? Dream big, esti. Dream big. Non, je me cacherai pas. À soir, je viens vraiment tester des affaires. Fait que je vais regarder beaucoup mes notes parce que c'est beaucoup des liners, des pensées que j'ai écrites, que mettons je voulais mettre sur Facebook, que j'ai jamais osé mettre sur Facebook avant aujourd'hui. Donc c'est peut-être parce qu'il y a une raison, comme c'est peut-être parce qu'on va trouver un diamant brut caché de toutes ces belles pages de notes écrites au fil du temps. Donc je me sens un peu comme si je sortais mes Zubat pour aller me battre dans un gym. Yes! Il y en a peut-être un qui va se transformer en Crobat à la fin. C'est malade. Si je peux avoir un Gyarados à la fin, je vais être content. Donc, en 2017, j'ai réalisé que le seul moyen pour moi de prendre du temps pour moi, c'était d'aller aux toilettes sans mon téléphone. Il n'y a rien de plus facile à court terme, relationnellement, qu'une relation homosexuelle sans attachement. C'est comme deux lions dans la savane qui, au lieu de courir après des gazelles, se sucent mutuellement la jugulaire. Y a-tu des lions dans la salle? Ouais! Okay. Yeah! L'autre jour, je mangeais du melon d'eau dans un parc. Puis, ah, la joke est pas là encore, mais merci. Fait que je mangeais du melon d'eau dans un parc. Puis là, y a un vieux monsieur qui arrive à côté de moi, qui vient me voir, qui fait hey, tu sais qui c'est qui aime le melon d'eau? Les noirs! Ouais. J'étais comme... monsieur, est-ce que vous êtes déjà allé en France? Il dit, ouais. Je dis, OK, vous avez aimé ça? Il dit, ben ouais. Vous savez qui a aimé aller en France? Les nazis. Merci, merci. Je suis très politiquement et socialement engagé, comme vous pouvez le voir. J'ai une autre petite joke pour surenchérir là-dessus. Savez-vous c'est quoi la différence entre un homme blanc et un homme noir? Les opportunités. Yeah, on va y savoir! Ok, c'est juste avant que ça... Je suis content que vous l'avez aimé, mais si vous voulez, on va juste faire comme un esclavagiste américain, puis on enchaîne, ok? Ok. C'est correct, je vais vous rattraper avec une autre blague. J'ai réalisé que la chasse, c'est le seul sport que si tu gagnes, tu manges l'autre équipe. Celle-là est drôle. Sinon quoi? Ouais, je suis d'accord, je l'aime bien, je l'aime bien. C'est pas pour tout le monde, c'est peut-être too soon, je sais pas. Je me demande si tous les manteaux d'hiver sont pareils ou si c'est vraiment du cas par cas. Hein? Hein? Yes. Je sais pas, non, j'en reviens pas, ça. Ok, non, c'est beaucoup trop d'applaudissements pour un jeu de mots. Sinon quoi? J'ai réalisé que souvent, quand on commence à faire de l'humour, faut qu'on se démarque en ayant quelque chose d'extraordinaire. Ça prend quelque chose de particulier, faut que tu aies quelque chose qui te différencie des autres. Puis moi, j'habite à la station Fabre. Ouais! La station Fabre! tu viens-tu de la station Fabre? Non, ok, c'est comme. Je l'aurais encore moins. Rendu là, j'aurais juste dit oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est où la station Fabre? C'est exactement là que tu vas quand t'oublies de sortir à Jean Talon. C'est bien particulier. Je dirais que la station Fabre est à la ligne bleue, ce que Vaudreuil est à la 40. Ouais. Vaudreuil, c'est la place où tu vas parce que tu te perds, puis tu restes par orgueil. J'ai fait mes recherches, puis le slogan de la ville de Vaudreuil, c'est « Je suis ». Ouais, c'est ça, juste comme pour nous le rappeler. Là. Non, c'est drôle parce qu'on dirait que dans la phrase « je suis », il manque comme les trois mots « dans le déni », en tout cas. Non, j'aime ça être chez nous, autant que j'aime sortir, en fait. Ce qui est le fun de chez nous, c'est que c'est le seul endroit où j'ai plus qu'une place pour me masturber. Ça, c'est cool. Cool. J'ai une certitude dans la vie, c'est que j'ai bu de l'eau moins souvent dans un verre que plié en deux à un pouce d'un robinet. Ça, c'était plus pensée du jour. Je suis pas tellement gâté dans la vie. En fait, je suis tellement pas gâté que je reçois pas les cadeaux de Noël que je commande. OK. Non, c'est correct. Ils marcheront pas toutes, c'est pas grave. Tu sais qu'on l'entendra plus jamais? Ouais, c'est pour ça qu'elle est enregistrée, pour que je puisse la réentendre tout seul. Faire comme, non, celle-là, si on avait pu, s'éviter ça, on l'aurait faite en esti. En tout cas, je pense que la toilette... Je pense que la toilette a été inventée juste pour simplifier les funérailles des poissons rouges. Ça m'a fait réfléchir, puis j'ai réalisé que dans le mot funérailles, il y a le mot fun. Il y a aussi le mot rails. Parce que si t'as du fun au funérail, clairement t'es à côté des rails. Non, mais tu sais, on va y penser, hein? Et à un moment donné, si y a quelqu'un qui rit quand c'est pas le temps, c'est peut-être parce qu'il vient de la pognée. Je sais pas. Si le crabe existait pas, la goberge serait plus en demande. Hein? C'est astucieux. J'ai réalisé qu'à 24 ans, je suis un adulte, mais t'auras quand même aucune réaction mature de ma part si tu me dis « Ah ouais, embarque sur ma péniche! » Une péniche, pour ceux qui la comprennent pas, c'est un bateau. Mais en même temps aussi, c'est un jeu de mots assez facile. Fait que c'est correct que ça n'ait pas marché ça aussi. Je suis excessivement paresseux. En fait, je pense que je suis un handicapé pris dans le corps d'un jeune homme qui peut courir. Ça aurait été plus drôle si je l'avais pas manqué, hein? Pas grave. Je suis vraiment paresseux, je suis assez paresseux que je fais juste le lavage quand je veux vraiment retrouver mes cartes bancaires. Sur Tinder, c'est important de laisser une impression marquante. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont sur Tinder. C'est important de laisser une impression durable auprès de la personne à qui tu parles. C'est pour ça que moi, dans les premiers mots que je t'envoie, c'est sûr que ça va inclure camomille et fisting. Ouais. Juste pour qu'on se souvienne. Pas souvent des dates, mais c'est pas grave. On s'en souvient. Quand je vois un journal tourner par terre, je me dis tout le temps, comme, tu sais, quand il, on voit des fois le journal, il est à terre, là, les pages tournent seules à cause du... Je trouve ça cool parce que je me dis, en crime, le vent cherche un 3,5. C'est le fun. Sinon, quand je prends l'avion, moi, j'aime ça croire que nos besoins sont évacués directement dans les airs. Comme ça, je me dis, on peut se venger des oiseaux. Ah, c'est arrivé souvent, en tout cas. Okay. L'autre jour, je me promenais dans un stationnement de McDo. Je passais par là, puis j'ai vu une mouette qui avait le cou pris dans un six-pack de plastique. Pis j'ai réalisé que, crème, en 2017, il y a encore des gens qui jettent leurs mouettes. Sinon, en terminant... Oh oui, ça va finir de même. Dans un camp de jour, moi, je m'appellerais Purel. Ouais. Parce que je suis propre, mais je sens l'alcool. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est Sam Bergeron, mesdames et messieurs.